sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Le plus impatient des réseaux présente... Ah, attends encore. Sois pas si impatient, Toddy. La première et la 3 présente, Picasso, Matisse, Braque, Léger. Une expo exceptionnelle. 70 chefs-d'œuvre de l'art moderne réunis autour de Paul Rosenberg, leur marchand et ami. Pris dans la tourmente du XXe siècle. 21 rue La Boétie. À voir et à vivre à La Boverie, Liège. Avec la région Wallonne et l'Écho. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9€ avec un abonnement Smart plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. La première. Très beau dimanche, il est 9h. C'est l'heure du journal avec Juliette Arriga. Bonjour Juliette. Bonjour, la soirée de clôture de l'opération Cap 48, c'est ce soir. Quelques heures encore pour faire exploser le compteur. Le centre de dons ouvre en ce moment même. Donald Trump perd ses soutiens les uns après les autres et à quelques heures du deuxième débat avec Hillary Clinton, le candidat républicain à la présidence est dans une bien mauvaise posture. Et puis week-end sportif, en tennis, David Goffin vient de s'incliner en finale au tournoi de Tokyo. Nous comptons sur vous. Dernière ligne droite pour l'opération Cap 48. La grande soirée de clôture, c'est ce soir sur la Une en TD. D'ici là, il reste quelques heures pour faire exploser le compteur des dons. Le centre de dons NLO est ouvert. Le call center ouvre en ce moment même ses lignes. Nous y retrouvons l'administrateur délégué de l'opération Cap 48, Renaud Tocquer. Renaud Tocquer, bonjour. Bonjour. Alors l'objectif est évidemment de faire mieux que l'année passée. Oui, bien sûr. Écoutez, pour nous, chaque année, quand nous arrivons à la grande journée de clôture de la campagne Cap 48, c'est d'abord un grand moment de bonheur et puis une petite angoisse malgré tout, parce que le rendez-vous est important. On cherche chaque année à mobiliser les donateurs, le grand public, sur une thématique extrêmement importante qui est l'intégration, la meilleure intégration possible des personnes handicapées dans la société. De très nombreuses associations sont actives sur le terrain au quotidien et c'est pour elles que nous nous battons, c'est pour elles que nous cherchons à mobiliser les fonds afin de pouvoir les aider à financer leurs activités. Alors cette année, le thème, c'est le handicap qui survient au cours de la vie. Pourquoi avoir choisi ce thème de campagne ? Eh bien, tout simplement parce que dans l'inconscient collectif, eh bien, on a l'impression que le handicap, on est avec, c'est de l'ordre de la transmission génétique. Or, 80% des handicaps surviennent en cours de vie, lors d'accidents, lors de maladies. C'est donc dire que finalement, tout cela peut nous arriver et ainsi ça amène peut-être un regard différent sur la question du handicap et surtout sur l'ambition collective générale que nous devons avoir pour intégrer ces personnes qui rencontrent une difficulté dans leur quotidien. Alors on va essayer de dépasser les 4,9 millions récoltés l'année passée. Ces 4,9 millions, ils ont servi à quoi ? Eh bien oui, chaque année, nous essayons évidemment de faire mieux parce que les besoins sur le terrain augmentent chaque année. Et l'année passée, avec cette somme importante, issue de la générosité, nous avons financé une petite centaine d'associations partout en Wallonie, à Bruxelles, actives sur le terrain, en contact direct avec les personnes handicapées. Mais également, nous avons permis d'ouvrir 3 nouvelles classes pour enfants autistes dans le Brabant Wallon, à Bruxelles. Contribuer à financer une recherche médicale sur un thème extrêmement important qui est la polyarthrite de l'enfant et du jeune adulte. Toutes ces thématiques-là qui touchent de très nombreuses personnes. Et c'est grâce, bien entendu, à ce que nous vivons aujourd'hui que demain, nous pourrons financer ce même type de projet. Eh bien, merci Renaud Tocquer. Et on espère vraiment que ce cap des 4,9 millions sera dépassé cette année. Et puis les équipes de la RTBF se mobilisent aussi en marchant 100 km, 30 heures de marche non-stop pour la SBL Les Héliotropes, un centre de jour pour des personnes souffrant d'un handicap mental et d'un trouble psychiatrique. Notre journaliste Anne-Sophie Brundong est de la partie et on lui a demandé ce qui l'avait poussé à se lancer dans ce projet assez fou. Je vous avoue que depuis hier, 15 heures, j'ai dû me poser au moins 10 fois la question, ça c'est sûr. Mais bien sûr, c'est une belle cause qui nous mobilise tous aujourd'hui. Et ça l'emporte sur tout le reste. Donc c'est vrai que c'est un vrai défi sportif. Mais ici, il y a un super esprit de solidarité, une très très bonne ambiance de groupe. Et puis cette cause, la SBL, les héliotropes, qui nous motive plus que tout. Haïti est en deuil. 3 jours de deuil national ont été décrétés sur l'île dévastée par l'ouragan Matthew. Le dernier bilan, qui n'est que provisoire, fait état de 900 morts. 1 million de personnes ont besoin d'aide urgente, à commencer par de l'eau potable et des vivres. L'ouragan Matthew, qui a poursuivi sa route vers les États-Unis, il a perdu de sa puissance, mais il a fait une dizaine de morts sur la côte est et pourrait encore, malgré tout, causer de gros dégâts à cause de la montée des eaux. Et toujours aux États-Unis, ça tangue chez les Républicains depuis les derniers propos obscènes de Donald Trump révélés hier. Le candidat républicain est de plus en plus isolé à 1 mois de l'élection présidentielle. Beaucoup demandent que son colistier Mike Pence le remplace, mais Donald Trump l'a affirmé, il y a 0 chance que j'abandonne, alors qu'un deuxième débat présidentiel se tiendra la nuit prochaine face à Hillary Clinton. Les précisions à Washington de Sonia Dritti. La semaine de Donald Trump s'est très mal terminée à la veille du deuxième débat présidentiel, une rencontre qui s'annonce houleuse face à sa rivale démocrate Hillary Clinton. Pour ce débat, il va le faire face à un panel d'électeurs indécis et les électrices devraient être particulièrement en colère. Vendredi, dans un enregistrement audio publié par le Washington Post, on entend Donald Trump faire des propos machistes et vulgaires. Cela a déclenché une tempête médiatique qui, chose rare, a forcé le candidat à s'excuser. Tous ceux qui me connaissent savent que ces mots ne reflètent pas qui je suis. Je l'ai dit, j'ai eu tort et je présente mes excuses. D'autres enregistrements révélés hier par CNN montrent le candidat républicain multiplier de nouveau les propos dégradants à l'égard des femmes. Sa défense lors du débat pourrait être de pointer du doigt les aventures extra-conjugales du mari de la candidate démocrate, Bill Clinton. Hillary Clinton y est d'ailleurs bien préparée. Et alors que les démocrates se réjouissent des scandales visant Trump, les républicains prennent leur distance. Le sénateur John McCain a annoncé qu'il ne votera plus pour Donald Trump. Certains, comme Condoleezza Rice, demandent même au candidat de se retirer de la course à la présidentielle. En Allemagne, la chasse à l'homme se poursuit. La police traque un Syrien soupçonné de préparer un attentat. Les contrôles ont été renforcés dans les gares et les aéroports. Cet homme était surveillé par les services de renseignement. Hier, lors d'une vaste opération antiterroriste, les policiers ont découvert un explosif très dangereux à son domicile dans l'est de l'Allemagne. Plus dangereux que la TNT, selon les policiers. Au Yémen, plus de 140 personnes ont perdu la vie et plus de 500 sont blessées dans un bombardement aérien. C'était lors d'un enterrement à Sanaa hier. Les États-Unis ont annoncé un examen immédiat de leur soutien à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Elle est accusée par les rebelles Houthis d'être responsable de cette attaque. La coalition nie toute implication. Olivier Minguin, le président de Défi et la ministre de l'énergie, Marie-Christine Marguem, seront les invités de l'émission À votre avis, présentée par Sacha Daout. Rendez-vous sur la une dès 11h30. On parlera également du droit de grève et de la réforme de la cour d'assises. On vous emmène à présent visiter un chantier pas comme les autres, un gigantesque chantier, celui du prochain hôpital bruxellois. 100 000 mètres carrés, 500 lits, 28 salles d'opération. L'établissement est en cours de construction à Oudergem, un hôpital du groupe privé Schirek qui fusionne en fait deux petites cliniques. Il est présenté comme l'hôpital du futur. Les riverains du site ont pu le visiter hier en avant-première. Ils étaient très nombreux. Myriam Ball leur a emboîté le pas. Bonjour. Vous êtes inscrite à quelle heure? À 4h20. 4h20. Qu'est-ce que je peux demander? Pourquoi vous êtes venue? Oh, parce qu'on craint bien d'y venir plus tard. Compte tenu de mon âge, j'ai 80 ans, donc je vais fréquenter ces lieux. J'anticipe. Essentiellement donc par curiosité. Et effectivement aussi, comme l'échevin avait parlé d'emplois donc, qui se libéraient, donc voir un petit peu ce qui serait possible. Première vue, formidable. Il y a beaucoup de lumière. De très grandes vitres, une technologie de pointe. Il faudra faire tourner l'hôpital plusieurs mois à vide pour enrôder les installations. Donc ici, je vais vous montrer les exemples de chambres, la typique chambre un lit. 80% des chambres ici seront des chambres individuelles. Or, le groupe Schirek y facture des suppléments d'honoraires parmi les plus élevés de Belgique. Le directeur financier se défend de faire un tri, Bruno Lefebure. Qu'est-ce qui va se passer si les patients ne veulent pas payer de suppléments d'honoraires, mais vont demander à être hospitalisés en chambre à deux lits? Si nous n'avons pas suffisamment de chambres à deux lits, eh bien, ils seront hospitalisés en chambre à un lit, mais sans payer de supplément. L'hôpital est beau, comment une infirmière en formation, mais sa qualité dépendra aussi de son personnel. Il faut le côté humain, très très important. Elle compte voir après l'ouverture si on trouve ici les deux pour éventuellement postuler. Peut-être allez-vous aussi en ce dimanche faire votre marché, acheter les produits de petits producteurs locaux. Eh bien, le concept pourrait vous intéresser. Copéco, c'est le nom d'un nouveau supermarché participatif qui vient d'être lancé à Marchienne-aux-Ponts, près de Charleroi. L'objectif de ce projet ambitieux, c'est de favoriser les circuits courts et de proposer des articles abordables, souvent bio, tout en respectant les producteurs locaux. Reportage sur place de Grégory Faub. 17,41 €, s'il vous plaît. Le magasin est ouvert depuis quelques dizaines de minutes et déjà une longue file se forme à la caisse. Ici, les clients sont tous des coopérateurs qui, comme Christophe Mertens et Michel Rulens, achètent mais s'impliquent aussi dans l'organisation du supermarché. Il y a clairement, en travaillant, en fournissant notre main-d'œuvre, notre bonne volonté, etc., une réflexion pour limiter les coûts de fonctionnement. On achète directement aux producteurs et on se fait une petite marge bénéficiaire pour couvrir les frais du magasin, les frais de fonctionnement de la coopérative, mais c'est tout. Il n'y a pas de but de faire du bénéfice. Mais il va falloir encore un développement probablement plus important pour qu'on puisse étendre la gamme. Marie-Françoise Lecomte est à l'initiative de ce supermarché un peu particulier. L'idée n'est pas de concurrencer, d'entrer en compétition avec qui que ce soit, mais bien de créer une communauté, de tisser du lien entre nous. Et nous nous sommes entendus sur 4 critères, c'est-à-dire soit être un produit labellisé bio, soit être issu de l'agriculture raisonnée de producteurs locaux, soit être un produit issu du respect éthique relation Nord-Sud, ou encore venir d'entreprises à finalité sociale. Actuellement, Copéco compte 300 coopérateurs. Ils assurent l'ouverture de leur supermarché les vendredis et samedis, tout en espérant pouvoir progressivement élargir les horaires. On passe à la page sportive de ce journal avec vous, Éric Libois. Bonjour. Bonjour. En tennis, David Goffin a échoué en finale à Tokyo. Il vient de s'incliner face à l'Australien Kyrgios. Oui, le 14e mondial, Goffin avait pourtant remporté le premier set 6-4. Il a perdu les deux suivants, 6-3 dans le deuxième et 7-5 dans le troisième, où il a perdu son service au plus mauvais moment, tout à la fin. Goffin n'a plus gagné de tournoi ATP depuis 2 ans à Metz, mais il va tout de même remonter la 12e place mondiale. Il est toujours en course pour les Masters de Londres. On reste au Japon avec la victoire de Nico Rosberg au Grand Prix de Formule 1 de Suzuka. L'Allemand qui a mené de bout en bout et marque des points décisifs pour le titre mondial. Son équipier et concurrent Lewis Hamilton a maintenant 33 points de retard. Mais il a sauvé le suspense en prenant la 3e place du Grand Prix, après avoir pourtant complètement loupé son départ sur une piste très humide. Max Verstappen, le Néerlandais, s'intercale et prend la 2e place. Un titre mondial est tombé ce matin, celui des constructeurs pour Mercedes, forcément, qui a archi-dominé cette saison. C'est le 3e titre de la marque allemande de suite. Et puis les Diables Rouges s'envolent aujourd'hui vers Gibraltar. Match prévu demain soir. Sébastien Pocconulli a été rappelé pour remplacer Jordan Lukaku, blessé. Enfin, en cyclisme, la saison des classiques se clôture cet après-midi avec Paris-Tours. La fameuse classique des feuilles mortes, comme on dit, plus que jamais promise aux sprinteurs, car le parcours a été allégé en fonction du mondial au Qatar dans une semaine. Greg Van Avermaet est donc déçu. Lui, il aime les fins de course pour costaud. Et on écoute le Belge avec Kevin Papen. Il n'y a pas beaucoup de vent, aussi pas de côte dans le fin. C'est un peu dommage, je pense, pour moi, parce que normalement, j'ai fait la différence là, dans la côte. Une course comme Paris-Tours, c'est un classique. Et on ne peut pas changer ça pour faire un championnat du monde à Qatar. C'est dommage. Ça vous déçoit, ce changement de parcours? Ouais. Quand il est devant, ouais, j'ai une chance pour gagner, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, 250 km, départ à 11h, arrivée vers 17h, tout ça à suivre sur l'RTBF. Merci Éric Libois. Et puis je vous rappelle, on attend vos dons pour Cap 48. Je vous rappelle le numéro du call center, c'est le 0800 9 48 81. Le 0800 9 48 81. C'est la fin de ce journal. Une très belle matinée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de commencer cette émission au Québec avec une citation de Félix Leclerc. C'est tiré de son livre « Pieds nus dans l'aube ». Lentement, discrètement, papa nous préparait un héritage. Il nous glissait ce qui est mieux que l'argent, du courage, des provisions de courage pour l'avenir. Car il savait que dans les détours après l'enfance, une bête nouvelle et compliquée fait le guet hypocritement tapis. du courage. Nos Belges au Québec en ont à revendre. Ils ont chacun dans leur domaine surmonté leur handicap pour aller au bout de leurs rêves et au bout du monde. Je vous garantis ce matin le témoignage de deux belles personnalités battantes, généreuse, positive, bien dans l'esprit de cette journée Cap 48. Bonjour Guillaume Libioul. Bonjour Adrien. Où êtes-vous Guillaume? Je suis à Montréal. Vous êtes parti dans le cadre d'un PVT. Alors un PVT c'est... En fait c'est un acronyme qui veut dire permis vacances travail. C'est un programme qui permet à des jeunes, pour les Belges la tranche d'âge c'est de 18 à 30 ans, de partir au Canada. Et en même temps, ça nous offre un permis de travail. Donc, on a la possibilité de travailler sur place. Vous avez surmonté aussi votre handicap, infirme moteur cérébral. Oui, c'est ça. Ouais, ce qui vous en... C'est un handicap lié à un manque d'oxygène à la naissance. Et depuis, vous vous battez et vous êtes là au Québec. Vous faites des choses incroyables que plein de personnes valides n'ont jamais osé faire. Pour dialoguer avec vous, une jeune championne de triathlon, Séverine Boucher. Bonjour Séverine. Bonjour, bonjour Guillaume. Bonjour Séverine. Vous êtes de la même génération? Oui, je pense qu'on a à peu près le même âge. Oui, 22 ans. Vous avez passé la moitié de votre vie en Belgique, que vous avez quitté à l'âge de 10 ans. Vous, Séverine, pour suivre vos parents à Saint-Alphonse-Rodriguez. C'est où ça? C'est un petit village à environ une heure au nord de Montréal. Donc c'est en plein milieu de la nature, de la forêt, des lacs. C'est vraiment un beau coin. Bon, je faisais sans doute pas connaître parce que j'adore cette région. C'est à côté de Lanaudière, près de Joliette. Et il y a des Belges qui ont une maison d'hôte, un couette et café là-bas, qui s'appelle le Cheval Bleu. On les a eus dans l'émission il y a 20 ans. Serge et Monique Smith-Mans, que je salue parce qu'ils nous écoutent tous les dimanches. Avec le décalage horaire, c'est en pleine nuit. Et d'ailleurs, on vous réveille tôt ce matin. Guillaume, vous êtes courageux. C'est bien. Guillaume Libioul, chapeau. Avec vous aussi, Sophie Mergen, lauréate de la dernière Belge Odyssée. Oui, tout à fait. Oui. Bon, c'est bien, je suis entouré de championnes aujourd'hui. Les Belges du bout du monde. 9h-10h sur la première. Avec Adrien Jovenot. Les Belges du bout du monde au Québec, vous êtes allé pour la première fois, Guillaume, je crois, à l'occasion d'un voyage pour les fêtes de fin d'année. Et là, vraiment, je suis tombé en amour pour ce pays, pour la sollicitude des habitants, la chaleur des habitants qui est vraiment extraordinaire. Et aussi la beauté des paysages. On a mis quelques photos en ligne sur la page Facebook des Belges du bout du monde sur cet été indien qui sévit pour l'instant là-bas en Amérique du Nord. Alors, vous non plus, ça n'a pas été évident. Séverine, vous êtes d'origine flamande, je crois. Oui, voilà. Donc, je suis allée à l'école primaire en néerlandais jusqu'à la cinquième année. Et la sixième année, je l'ai faite donc en français au Québec. Et donc, ça a été toute une transition d'avoir tous mes cours en néerlandais et puis du coup, tous mes cours en français et avoir les cours d'anglais aussi à faire. Donc, ça a été une adaptation la première année. Oui, arriver dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue et dont on ne comprend pas l'accent aussi. Oui, voilà, je parlais déjà français à la maison, mais le français au Québec n'est pas tout à fait le même. Des fois, c'était dur de comprendre. La preuve tout de suite dans cette séquence réalisée par Loïc Péchard, consacrée à ce fameux accent québécois. Au Québec, on discute pas, on house. Puis ça, ben, ça fait toute la différence. Il en reste pas moins qu'on parle français. Si tu viens de France ou d'ailleurs, tu risques d'avoir du mal à tout comprendre au début. Le français parlé au Québec est différent de tous les autres français du monde. Des fois, on dit une phrase et on pense que le français va comprendre complètement. Puis, pas en tout, là, il y a des lieux de comprendre ce qu'on est en train de dire. Là. Non, ce n'est pas un dialecte, c'est un français national avec d'autres mots, d'autres termes et un accent qui lui est propre. En France, ça les fait rigoler parce qu'ils confondent tous les accents. Les colons qui arrivent en Nouvelle-France étaient originaires de différentes provinces françaises et tous parlaient leur patois. Du coup, il fallait trouver une langue officielle, le François, celle de la cour du roi. Moi, je préfère le vieux François. C'est vrai, c'est gai, c'est impatoyant, délicatoire, et en même temps, c'est pas fatigoyant pour les nerfs. Ce français était un mélange de certains termes amérindiens, du vocabulaire emprunté au langage des matelots, comme par exemple « amarrer » pour « arracher »,« aller » pour « tirer », et bien d'autres expressions. Vous voulez voir les miens ? J'ai deux gosses magnifiques. Allez, je vous les montre. C'est parce qu'on va manger, là. Peut-être après le repas, peut-être, je dis pas non, mais là, non. Tu dis, ah oh ouais, ils sont vraiment beaux tes deux gosses. Tu parles de mes testicules. Plus tard, cette langue traverse une période d'anglomanie pendant laquelle elle est dépréciée au profit de l'anglais. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Well, let me tell you, eh bien, je vais vous le dire, c'est parce que ça vous fait deux langues simultanément et chacun essaie de parler plus fort que l'autre et ça devient une compétition à qui parlera le plus fort. Shut the fuck up! Taisez-vous! No, I'm talking non, non, c'est à vous que je parle. Oh mon Dieu, j'ai gagné! J'ai gagné! J'étais sûre! Cette majorité francophone renaît de ses cendres dans les années 60. Et on sait que le Québécois, qui est fier d'être Québécois, est également fier d'être Canadien, puis c'est ça qui va montrer. À l'heure actuelle, le français québécois est synonyme de populaire et anglicisé. C'est cool, ça ressemble un peu aux États-Unis, mais ils parlent français, et en plus avec un accent marrant. Ce qui fait que tout devient marrant, tout, le monde est drôle. Et le français de Paris se calque sur la bourgeoisie après la Révolution française. Il est considéré comme celui de l'élite. Vous croyez que vous n'avez pas un accent, vous, à Paris? Ah non, vous, vous parlez pas avec les mains, non. Non, vous, vous parlez avec le cul de poule. On peut dire que les Québécois et les Belges sont en quelque sorte des cousins de langage. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Alors? Mais t'es fait une fois. Non, je fais l'accent belge une fois. Oui, ça, je sais, frère. Non, mais de frette. Si je m'arrête un instant pour te parler de... Ah, la saveur de l'accent. On a tous un petit peu de cette terre accrochée à nos bottines, cet accent qui nous suit et c'est bien. Vous avez pu vous adapter facilement, Guillaume, et comprendre ce que racontent nos cousins québécois en arrivant sur place? Oui, il n'y a pas eu trop de soucis à ce niveau-là parce que je m'intéressais déjà beaucoup aux expressions québécoises et j'avais lu des livres sur le sujet. Donc, c'était plus facile pour comprendre. Est-ce qu'il y a une expression qui vous tient particulièrement à cœur? J'aime bien, par exemple, quand on nous invite à s'asseoir, on dit parfois « tire-toi une bûche ». Tire-toi une bûche. C'est vrai que c'est assez révélateur de la proximité avec la nature. Au Québec, on est proche, en tout cas quand on n'habite pas Montréal ou la ville de Québec, on est proche des lacs, des montagnes. Séverine Boucher, pour une triathlète comme vous, j'imagine que c'est l'idéal. Vous êtes tout de suite dans votre terrain de jeu. Ben voilà, je me lève le matin et je marche 2 minutes et je suis dans le lac et je peux aller m'entraîner. Et même chose en vélo, je n'ai pas besoin de prendre la voiture pour aller à un site d'entraînement. Je suis sur le site d'entraînement et donc c'est vraiment le paradis pour les athlètes et toutes les personnes qui veulent s'entraîner. On en reparle après avoir écouté l'artiste découverte des radios publiques francophones pour cet automne 2016. Ça tombe bien, c'est un Québécois, il s'appelle Sébastien Lacombe et cette chanson est très épicurienne. Trop de soucis. Tu t'en fais trop, pas tous les jours. Problème d'argent, tu cours toujours. Ta vie est souvent sous zéro. T'as l'impression de perdre ton temps. T'as les deux pieds dans le ciment. T'es rendu au point de non-retour. Tu cherches une sortie de secours. Toi, tu as trop de soucis. Beaucoup trop de soucis. Car on a tous la même envie de changer le monde. La vie est dure, pas tant que ça. Y'a du soleil que tu vois pas. Sous souvent juste à côté de toi. T'as peur de prendre le métro, tu lis peut-être trop les journaux. La fin du monde, c'est pas pour demain. Trop de sang d'encre, ça sert à rien. Toi, tu as trop de soucis. Beaucoup trop de soucis. On a tous la même envie de changer le monde. Retrouver notre insouciance, prendre la vie comme elle se doit, par en avant, pendant qu'il nous reste du temps. Toi, tu as trop de soucis. Trop de soucis, c'était Sébastien Lacombe sur La Première avec nos Belges du bout du monde au Québec, Séverine Boucher et Guillaume Libioul. C'est une spéciale Cap 48 aussi, hein, aujourd'hui sur La Première. Et je rappelle que si vous voulez faire un don, il y a soit les post-it, soit le compte 8x0 37 37, ou encore via notre site cap48.be. Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur La Première, Adrien Jovenot. Alors le Québec, on va planter un peu le décor avec vous Sophie Merguen. 8 millions d'habitants, c'est aussi la seule province canadienne à avoir le français comme langue officielle. On peut dire que le Québec, c'est une nation dans un pays. Ben oui Adrien, 95% des Québécois comprennent et parlent le français dans une Amérique du Nord où l'anglais est quand même omniprésent. Alors oui, ça crée une identité propre. Pour comprendre, il faut remonter en 1608, année de la fondation de la ville de Québec. Les Français sont alors en pleine entreprise de colonisation de certains territoires d'Amérique du Nord. Le Canada attire hein, par ses terres fertiles et son abondance de fourrures notamment. Alors Québec devient cette capitale de la Nouvelle-France et à la chute de la Nouvelle-France, la région passe sous la houlette des Britanniques et le Canada est divisé en deux provinces, le Haut-Canada d'un côté et le Bas-Canada, c'est-à-dire le Québec de l'autre. Alors ensuite, les provinces sont fédérées en 1867, mais on verra, les revendications d'indépendance restent au cœur de l'actualité. Un siècle plus tard, en 1968, le mouvement nationaliste prend de l'ampleur avec une inquiétude croissante des Canadiens français de se voir assimilés aux Canadiens anglais. Bien assimilé, c'est Séverine Boucher, notre Belge du bout du monde, qui a suivi ses parents. Elle avait 10 ans à l'époque, elle en a 22 aujourd'hui. Vous êtes assimilée québécoise, canadienne, belge. Vous vous sentez comment, Séverine ? Je me sens quand même de plus en plus québécoise. Quand je suis au Québec avec mes amis, on n'entend pas que je suis belge. Je change complètement d'accent. Et donc, oui, je de plus en plus québécoise. Oui, ça s'entend, ça s'entend. Alors, les Belges et les Canadiens qui ont plus qu'une langue en commun, hein, nous avons aussi partagé quelques grandes pages de l'histoire. Il y a 99 ans, quasiment jour pour jour, l'armée canadienne libérait la région de Mons. Hein, c'était pendant la phase finale des 100 jours du Canada. Guillaume Libioul, je sais que vous êtes spécialisé en histoire. Vous avez un master en archéologie. J'ai un master en histoire, orientation histoire et archives, et j'ai réalisé mon mémoire de maîtrise sur le traité de Versailles, qui est quelque part une conséquence de la Première Guerre mondiale. Donc, je connais assez bien le sujet. Je crois que vous faites partie, dans votre région natale, d'un comité 14-18, Guillaume. Oui, tout à fait, Adrien. En fait, Suris, qui est mon village natal, et le village voisin Rombeden sont des villages martyrs. C'est-à-dire que une part importante de la population civile y a été massacrée lors de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'au Québec, on célèbre, on s'apprête à célébrer ce centenaire. À l'approche du 11 novembre, il y a pas mal de personnes qui sont sensibles à cette thématique, qui abordent un coquelicot à leur boutonnière. Oui, oui, le et symbole. Comme on le sait, le coquelicot, dans les pays, surtout anglo-saxons, symbolise le sang des soldats tombés au champ de bataille. Donc, c'est un symbole fort, le coquelicot, ici. Séverine, vous faites des études pour devenir ergothérapeute. Donc, le monde du handicap, c'est sans doute un monde auquel vous allez être confronté aussi. Les soins, l'entraînement. J'imagine que vous êtes sensible au parcours de Guillaume. Ah oui, bien sûr. Dans le cadre de mes études, je rencontre beaucoup des personnes justement qui ont différents handicaps physiques ou même mentaux. Et donc oui, c'est quelque chose que je rencontre quand même assez souvent, justement avec ce genre de personnes avec qui je veux intervenir et les aider en revalidation. Ouais. Est-ce que c'est facile de combiner vos études, quand même un master, c'est pas évident, avec une carrière sportive? Vous avez été l'an dernier championne du monde, je le rappelle, dans votre groupe d'âge, vous faites du triathlon, vous vous préparez pour les prochains Jeux Olympiques. C'est facile de faire à la fois du sport, des entraînements et des études? Je dirais quand même pas facile, mais oui, j'arrive à organiser les deux et avec justement mes études, en faisant, prenant un peu plus de temps pour faire mes années d'études, j'arrive à jongler avec les deux, mais ça demande quand même beaucoup d'organisation. Je dirais pas que c'est facile de faire les deux, mais autant l'ergothérapie que le triathlon me passionnent, donc j'arrive à trouver la motivation de faire les deux. Oui, au Québec, je crois que le sport est plus inscrit dans les activités parascolaires, le sport, le théâtre, la musique, tout ça c'est quasiment compris à l'école, dans les cours. Oui, voilà, beaucoup de gens finissent les cours et vont tout de suite à leur activité à l'école même. Donc moi je finissais mes cours et j'allais courir avec le club de l'école en fait. Donc l'activité physique fait partie de l'école en fait, oui. C'est l'objet d'un film qui est sorti cette semaine et qu'on a pu voir au FIF, une des révélations d'ailleurs de ce dernier Festival international du film francophone, le film 1 minute 54, vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai quand même beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas encore vu. On en écoute un tout petit extrait. On a un mois pour t'amener au top. Je suis pas ta petite bitch qui obéit à tout, ok? Ça va, lâche-moi! On va repousser tes limites. T'es à 1,56. Si tu veux faire les nationaux, c'est 1,54. T'as 2 secondes à aller chercher. Puis ces 2 secondes-là, ça va être les plus souffrantes de ta vie. Es-tu prêt pour ça? C'est un film qui donne la chair de poule, je vous le recommande vivement. 1 minute 54, c'est le temps qu'il faut pour faire un 800 mètres quand on est super entraîné. Hein. Ah oui. Oui, quand même. Ce film dénonce aussi l'homophobie, les personnes qui sont obtus dans leur tête, qui voient les personnes différentes d'un mauvais œil. Est-ce qu'au Québec, où vous vivez maintenant depuis 3 mois, vous souffrez de ce regard différent? Vous qui êtes victime d'un IMC, ou au contraire, il y a une grande tolérance, Guillaume Libiol? Je pense qu'il y a une grande tolérance. J'ai beaucoup moins vu des regards désobligeants. Guillaume, vous entendez le parcours de Séverine. Séverine, vous entendez les difficultés aussi de Guillaume. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez envie de demander quelque chose, Guillaume, à Séverine? J'imagine que ça doit demander avoir un tel niveau sportif, ça doit demander quand même un entraînement intensif et que ça doit prendre beaucoup de votre temps libre. Oui, voilà, donc mon temps est très calculé et pour pouvoir gérer le tout. Et j'ai un entraîneur privé qui me fait un plan personnalisé pour justement pouvoir être à mon meilleur, si on veut. Au top. En tout cas, je trouve ça admirable et je suis, moi qui ai des problèmes de mobilité, je suis fasciné par ceux qui sont, je dirais, hyper mobiles. Oui. Merci. Et en même temps, on est tous admiratifs aussi devant votre parcours à vous, Guillaume, souffrant d'un IMC au départ, à la naissance, en fait, vous avez manqué d'oxygène. C'est d'ailleurs la sage-femme qui vous a mis au monde, qui nous a envoyé un mail pour nous parler de votre histoire. Mm-hmm. Et qui m'a dit, Adrien, là, il y a un parcours, il y a un petit gars qui n'a pas peur et qui est allé au Québec, qui a traversé l'Atlantique pour tenter l'aventure. Guillaume, chapeau, on reparle de votre histoire et des trophées des Belges du bout du monde aussi après la pub. Vous ne bougez pas, Guillaume. Hein. Ok. Cap 48, le défi des 100 km. C'est 8 et 9 octobre, Julie Morel, l'équipe Info et les 5 radios de la RTBF emprunteront les sentiers de grande randonnée pour une seconde édition du défi des 100 km. Parrainez-les pour récolter un maximum d'argent au profit de l'ASBL Les Héliotropes. Plus d'infos et vos dons sur cap48.be. La première présente au 140, les Inouïs.2. Un chapiteau dans la cour du 140. À la croisée des disciplines, un projet citoyen sur les mouvements migratoires. Les Inouïs.2 du Théâtre d'un jour, au 140, du 11 octobre au 11 novembre, avec le soir. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Krefel. Mais enfin, pourquoi tu te compliques la vie? Pour les prix, le choix, la livraison express, commande sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. En octobre, au bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même s'il y a des dépenses que vous préférez faire plutôt que d'autres. Waouh, t'as une nouvelle tenue? Ouais, c'est joli, hein? Bah ça, c'est grâce à Box. Grâce à qui? Grâce à Box. Tu connais pas? Économiser sur votre facture d'énergie, c'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack énergie plus Box sur box2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. La première présente. Et si vous aviez le choix entre gagner un million et perdre une jambe? J'empocherais le million. Moi pas, je garderais mes jambes. Les Dactylos et le Tigre, une comédie décalée de Murray Fisgal dans une mise en scène de Bruno Hemsens avec Julie Duroisin. Et Nicolas Luçon, au Boson du 11 au 29 octobre. Réservation @leboson.be. En partenariat avec Le Soir. Le Boson, infiniment intime. La première Youf TV présente le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. Bonne matinée avec les Belges du bout du monde et merci d'avoir participé avec autant d'enthousiasme à notre opération des trophées des Belges du bout du monde. Nous avons reçu près d'une centaine de dossiers de candidature. Nos différents jurys ont délibéré cette semaine. De notre côté, dès la semaine prochaine, nous les présenterons sur antenne. Ce sera chaque dimanche vers cette heure-ci sur la première. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Elle aurait pu gagner un trophée des Belges du bout du monde si nous avions imaginé une catégorie sport. C'est Séverine Boucher, notre Belge du bout du monde, championne du monde de triathlon l'an dernier dans sa catégorie d'âge. Ça veut dire quelle distance, ça, Séverine? Donc en distance olympique, c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et sinon, la distance sprint, c'est les moitiés de ces distances-là. Donc c'est les deux distances que je pratique. Vous avez nagé récemment au Mexique avec des barracudas à côté de vous. Oui, voilà. Donc j'étais au championnat du monde au Mexique. Et en nageant, j'avais la beauté de voir plein de poissons, plein de couleurs. C'était vraiment magique. Il ne fallait pas quand même que je me fasse trop déconcentrer. Et en entraînement, tout d'un coup, je vois un barracuda juste à côté de moi. Donc, ça sursaute quand même. Alors, dès qu'on sort de la mer ou de l'océan ou du lac, c'est selon, on enfourche à bicyclette. Et ça, c'est votre point fort. Parce que toute petite, déjà, vous alliez à l'école à vélo. Donc, c'est à vélo que vous rattrapez éventuellement celles qui vous ont dépassé à la nage? Oui, voilà. Donc, le vélo, c'est vraiment ma force et la discipline que je préfère des trois et sur laquelle je peux vraiment aller m'amuser et aller rechercher celles qui ont nagé plus vite que moi. Et puis, le plus dur reste à venir, les 10 km, les 10 bornes à pied en course. Quelle vitesse? Parce que vous faites du 40 km/h à vélo et à pied? Ça varie, je dirais autour de 15-16 km/h peut-être. Oh là là, c'est ce que je fais, mais moi à vélo. Dites donc, c'est incroyable. Alors, il est sportif aussi, malgré son handicap. C'est Guillaume Libioul en direct avec nous depuis Montréal. Vous avez fait des choses incroyables, et entre autres, Guillaume, dans le parc de la Mauricie. Vous pouvez nous parler de vos aventures là-bas? J'y suis allé début septembre avec mon frère qui était venu me rendre une petite visite et on a pris 2 jours pour faire du canoë camping là-bas. Donc c'est en pleine nature, c'est un endroit où il y a beaucoup de lacs et donc on peut faire du canoë camping, c'est-à-dire que mon frère et moi nous avons pris un canoë, mais le point de chute c'était un campement où on a pu planter notre tente et il y avait possibilité de faire un feu sur place et donc on a pu faire un barbecue sur place. Et c'était ma première expérience de camping et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé le fait de ramer, d'être avec mon frère et ça imposait une certaine coordination. Mon frère était à l'arrière et du canoë et faisait un peu gouvernail, tandis que moi je donnais l'impulsion et je faisais avancer le canoë. Mais c'était vraiment une chouette expérience. Et je suis heureux que notre canoë ne se soit jamais renversé. On est heureux pour vous aussi. Alors, le soir au barbecue, puis les petits ravitaux en cours de route, ça donne vraiment envie, vous racontez bien. Et qu'est-ce que vous avez bu et mangé de bon là-bas au Québec? Et qu'est-ce que vous continuez d'ailleurs à déguster sur place, Guillaume? De la poutine? De la poutine, oui, j'ai mangé une poutine. J'aime beaucoup ce plat. Mais je le réserve plutôt pour la saison plus froide, parce que c'est assez... lourd et gras. Hein. Ça cale bien, c'est bourratif. Et donc, je réserve ce plat pour l'hiver. Par contre, j'ai eu la chance d'être invité par des amis ici à Montréal, à la fin août, où j'ai mangé un plat typique de cette période de l'année. C'est ce qu'on appelle le blé d'Inde, en fait. C'est le maïs. Et on laisse les grains sur l'épi. Et on mange ça avec du beurre et une salade, de la charcuterie. Et c'est très, très bon. Le maïs est sucré et c'est vraiment très bon. Rôti sur le barbecue, c'est génial. Avec un peu de beurre salé, par exemple, c'est top. Oui. C'est top, top, top. Et je vois que Séverine se lèche et babine. Elle est habituée à ça. Plus à ça qu'à la poutine, parce que quand on fait du triathlon, la poutine, c'est pas top. Hein. Oui, voilà. Le blé d'Inde, pendant l'été, c'est quelque chose qu'on mange régulièrement et qu'on va acheter frais au marchand du coin. Frais cueilli du champ, et oui, c'est excellent. Et la tire d'érable, vous l'avez déjà goûté, Séverine? Ah oui, bien sûr, c'est au printemps. Et d'ailleurs, l'année prochaine, j'espère même pouvoir en faire moi-même, vu que j'ai une érablière. Et donc, oui, c'est au printemps, c'est vraiment la période des sucres. Quoi, il y a une érablière dans le jardin? Ah oui, ben en fait, j'ai plusieurs érables à sucre. Et donc, je vais pouvoir installer les seaux sur les arbres et faire le sirop d'érable. D'accord, ben vous nous prévenez pour la récolte, on arrive. Hein. Parfait, je vous invite. Et puis, t'entends une petite maudite, une bière, il y a des brasseries. Il y a des micro-brasseries au Québec. Est-ce qu'elles sont aussi bonnes que chez nous, Guillaume? Je veux dire, j'avais peur lors de mon premier voyage de ne pas trouver de bière. Parce que quand on est belge, quand même, on aime la bière. Mais au Québec, il y a une très importante activité brassicole et beaucoup de micro-brasseries qui créer toute une série de bières qui valent quand même le détour, quoi. C'est vraiment... les Québécois n'ont pas à rougir de leur production brassicole, que du contraire. Je pense que ça, par certains côtés, c'est équivalent à la production belge. Ah ouais, et c'est un bon vecteur économique pour cette superbe région, le Québec, des lacs, des forêts à perte de vue, une abondance de ressources naturelles qui assurent au Québec une position plutôt avantageuse sur le plan économique, Sophie Marienne. Oui, c'est vrai, hein, les forêts recouvrent plus de la moitié du Québec, l'industrie forestière est un pilier de l'économie, tout comme les mines qui propulsent la région en tête des producteurs mondiaux de fer ou encore d'argent et d'or. Alors à côté de ça, le Québec est un leader aussi sur le plan technologique, surtout dans les secteurs des biotechnologies, de l'industrie pharmaceutique, mais aussi du développement des énergies renouvelables. Et cette relative stabilité économique est un argument utilisé par les indépendantistes. Oui, il faut savoir qu'au Québec, plusieurs partis politiques sont clairement souverainistes. Ils veulent l'indépendance de la province pour des raisons culturelles, mais aussi économiques, vous l'avez dit, avec l'idée que les décisions d'Ottawa nuisent à l'économie québécoise. Ces souverainistes se confrontent aux fédéralistes qui, eux, veulent le maintien de l'union du pays. C'est le cas du Parti libéral, actuellement au pouvoir, sous la houlette du Premier ministre Philippe Couillard. On le voit, le paysage politique au Québec est donc profondément divisé. Pourtant, au Canada, les provinces ont déjà beaucoup d'autonomie, hein, avec des compétences comme l'éducation, la santé ou encore la gestion d'une part importante des ressources naturelles. Mais comme souvent, on en veut toujours plus, Adrien. Ah oui, c'est vrai. Et lui aussi, il en veut toujours plus. Guillaume Libiule, parti pour de grandes vacances au Québec, un PVT, un permis vacances-travail qui lui permet de faire des petits jobs et puis de couler des jours heureux malgré son IMC, malgré son handicap. Beau témoignage de volonté, de courage. Vous savez jusque quand vous allez rester, Guillaume ? Je vais rentrer en Belgique fin mai 2017. Alors c'est bien parce que vous irez vraiment jusqu'au bout, hein, parce que le permis c'est un an maximum. Vous êtes parti début juin 2016 et vous allez rentrer fin mai 2017. Donc jusqu'à la dernière goutte, vous en profitez. C'est bien et vous n'avez pas l'air trop malheureux sur place. Hein. Vous avez une voix qui reste... Non. Oui, c'est bien. On va écouter une chanson qui résume bien votre parcours, je trouve. Ce sont les Cowboys Fringants et ça s'appelle Droit devant. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il était haut comme trois pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme. On le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. Il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves. Là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques. Ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Allez. pas devant, c'était les Cowboys fringants sur la première et ça pourrait aussi être le slogan de l'équipe de la première qui marchera cet après-midi vers la RTBF Liège pour accompagner Julie Morel dans son défi de 100 km au profit de l'association Les Héliotropes. Alors moi j'aurai la chance de les accueillir avec Sophie Moons lors d'une émission spéciale Cap 48 que nous vous présenterons ce soir entre 19h et minuit sur la première en direct de Mediarive. Alors ce matin, c'est un peu le warm-up. Nous sommes avec deux champions, Guillaume Libioul et Séverine Boucher, triathlète au Québec. Ce sont nos Belges du bout du monde. Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot sur la première. Guillaume et Séverine, c'est dimanche aujourd'hui, alors on se lâche un peu quand même. J'ai envie de vous demander, quand vous ne travaillez pas, ce que vous faites, quand vous ne vous entraînez pas, est-ce que vous avez un peu de loisirs, Séverine Boucher, ou bien les loisirs, c'est courir, marcher, nager, pédaler? Non, j'ai quand même quelques loisirs. Bon, au Québec, c'est sûr que j'aime beaucoup aller marcher dans la forêt, profiter de la nature. Mais sinon, je joue aussi un peu de flûte traversière où j'aime bien aller sortir un petit peu avec des amis ou quoi. Donc, j'ai quand même un peu de temps de faire autre chose que de triathlon. Alors, Guillaume, c'est un grand sorteur aussi. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées, Guillaume, sur place à Montréal? J'aime beaucoup la culture. Donc, je visite des musées, des expositions. Je vais à la bibliothèque, à l'opéra, à la cinémathèque. Et aussi, ça j'ai découvert ça ici et je trouve le concept génial, c'est je participe à des soirées-jeux dans des pubs ludiques. C'est-à-dire qu'on entre dans un pub et on paye un forfait, je ne sais plus, je crois que c'est 5$. Et en plus de nos consommations qu'on boit sur place, on peut jouer à plein de jeux de société et il y a des personnes qui viennent nous dire à quoi voulez-vous jouer. Ah, on veut jouer à un jeu de rôle, par exemple. Eh bien, ils nous proposent toute une série de jeux de rôle. On choisit le jeu auquel on veut jouer et on joue à ce jeu, quoi. C'est vraiment des moments de sociabilisation très intenses et très agréables. Des pubs ludiques. Eh bien, moi, je ne savais même pas que ça existait. Peut-être que ça existe à Bruxelles. J'ai demandé à Sophie Merguen, qui est une étudiante sorteuse, jeune diplômée en journalisme. Ça existe chez nous? Alors, sorteuse peut-être, mais les pubs ludiques, non, ça ne me dit rien du moi tout. Moi non plus. Sophie, vous êtes avec deux jeunes de votre génération qui vivent outre-Atlantique. Vous avez des choses à leur demander? Ça vous inspire un peu? Bah, bien sûr que ça m'inspire. Déjà, le parcours de Guillaume, hein, qui est magnifique. Moi, qui ne souffre pas d'un handicap, j'aurais déjà du mal, je pense à me lancer dans une aventure comme la sienne, donc forcément ça inspire. Et puis Séverine qui a mon âge et qui est déjà championne de triathlon, on se dit que finalement on est tout petit, quoi. D'accord, on a beau avoir gagné la Belge Odyssée, on est béat d'admiration et on se sent effectivement tout petit devant de tels parcours. 22 ans Séverine, chapeau. Quels sont les objectifs professionnels maintenant que vous avez déjà gagné deux titres de championne du monde dans votre groupe d'âge? Dans les prochaines années, j'aimerais pouvoir faire les championnats du monde, donc en U23 élite, le niveau est plus relevé. Et peut-être aussi dans 4 ans, peut-être les Jeux Olympiques. Vous avez 22 ans, vous avez passé la moitié de votre vie en Belgique, l'autre moitié à Montréal. La suite, ce sera où? Là-bas ou ici en Belgique? Ce serait plutôt au Québec pour pouvoir continuer le triathlon et mon copain est au Québec. Et donc, vous avez un chum? Oui, voilà. Et donc, oui, je vois plutôt mon avenir au Québec. Bravo, bravo. Le Québec, on va faire un petit point sur ses perspectives d'avenir. Est-ce qu'elles sont réjouissantes, Sophie Merguen? Alors, réjouissante, tout dépend. En fait, la question qui continue et continuera d'enflammer les débats est évidemment celle de l'indépendance. Hein. Le gouvernement fédéraliste de Philippe Couillard est critiqué par une frange importante de la population québécoise. Environ 40% des électeurs seraient favorables à l'indépendance. Le Parti québécois, principal parti souverainiste, aspire d'ailleurs à organiser une consultation populaire sur la question, 20 ans après le référendum de 1995 où le non à l'indépendance avait gagné de peu. Alors, ce référendum, le Parti libéral au pouvoir ne veut pas en entendre parler. Les priorités du gouvernement Couillard sont clairement le développement économique et la lutte contre le réchauffement climatique. Le 150e anniversaire du Canada l'année prochaine sera d'ailleurs l'occasion de revenir sur le chemin parcouru, mais aussi sur les défis qui restent à relever. 2017, hein, 150 ans pour le Canada, jeune pays, hein, plus jeune que le nôtre en tout cas. Vous serez encore sur place, hein, Guillaume, puisque vous allez rester jusqu'en 2017. Vous avez croisé beaucoup de Belges sur place, Guillaume Libul. Il y a encore beaucoup de Belges du bout du monde à découvrir au Québec ? Oh oui, je crois qu'il y en a beaucoup déjà, ne serait-ce que mon amie Pauline, qui est tournaisienne et qui vit là-bas depuis 2011. J'en ai rencontré beaucoup, c'est lorsque j'ai été voir un match de Diable dans un café, donc où on était au tout début juillet, et là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Quoi. Oui, comme Laurent Simon, par exemple, le joueur de foot, le Diable Rouge, qui joue à Montréal. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Roxane Brunet et Paul Michel qui réalisent ces Belges du bout du monde, déjà disponibles sur rtbf.be/ovio. La semaine prochaine, nous serons à Bali pour une étape assez paradisiaque chez Karine, une Belge du bout du monde qui a créé là une maison d'hôte. On se retrouve aussi ce soir pour la spéciale Cap 48. N'oubliez pas d'être généreux, ça fait du bien. Vous pouvez acheter des post-it au feu rouge ce matin à la sortie de vos clubs sportifs, de vos différents établissements. Allez-y, ils sont dispo. On peut aussi faire un don sur 8x0 37 37 ou via notre site cap48.be. Vous avez un petit message peut-être à dire en ce jour de finale Cap 48, Guillaume Libul? J'ai envie de dire à tous ceux qui ont un handicap de ne pas se laisser arrêter par leurs différences spécifiques et de dire qu'il faut oser, il faut aller au-delà, même si ça peut être inconfortable de quitter ce qu'on connaît, le train-train quotidien. Le jeu en vaut la chandelle. On gagne en autonomie, en confiance en soi. Donc, n'hésitez pas, osez. Oui, beau message. Dépassez vos limites. Oui, et un beau message même pour tout le monde, parce qu'on a tous une part d'handicap en nous de toute façon. Et ce que vous dites, oui, c'est valable pour les 11 millions de Belges qui nous écoutent peut-être ce matin. Merci beaucoup pour cette parole de sage, Guillaume Libul. Bonne continuation. Merci, Adrien. Au revoir, Guillaume. Au revoir, Guillaume. Au revoir, Séverine. Au revoir, Sophie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et merci à Sophie Merienne. Merci à toi. Et Séverine Boucher, plein de médailles encore, hein. Merci beaucoup, j'espère, oui. Dans quelques instants sur la première, juste après le journal parlé de 10h, les décodeurs RTBF avec Alain Gerlache. Ne faites jamais confiance aux étoiles qui vous disent que tout ira bien. La vie est loin d'être un droit chemin, c'est écrit dans les lignes de ma main. Si le bonheur a choisi votre âme pour y faire son nid, fermez vos yeux, laissez-vous guider. Ne pensez jamais à vous sauver. J'ai trop souvent mis au défi le bonheur, espérant être un peu mieux ailleurs. J'ai goûté les plaisirs de l'exil, pour finir rescapé d'asile. Même si la tristesse a croisé ma route, parce qu'il nous faut tous coûte que coûte goûter la lourdeur des cœurs en peine, boire à la santé des amours ternes. Plus jamais je ne ferai confiance aux étoiles qui diront que tout ira bien. La vie est loin d'être un droit chemin, c'est écrit dans les lignes de ma main. Ah,

un chien, un porc, un arnaqueur qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne travaille pas ses sujets, qui se fout de tout, qui pense qu'il joue avec les gens, qui ne paie pas ses impôts, c'est une honte pour notre pays. Est-ce que c'est quelqu'un que nous voulons comme président? Je ne crois pas. Robert De Niro qui ajoute « Je lui mettrais bien un coup de poing, un monologue presque digne de celui que l'acteur tient dans le film Taxi Driver ». Chez nous, les travaux budgétaires reprennent en ce moment où l'Anvermont, la résidence de fonction du Premier ministre. Le gouvernement fédéral doit procéder au contrôle budgétaire 2016 et boucler le budget 2017, tout en réalisant une série de réformes structurelles, dont celle de l'impôt des sociétés. Hier, les discussions ont progressé difficilement. Les négociations devraient en principe aboutir ce soir ou dans la nuit prochaine. Charles Michel est attendu à la Chambre pour sa déclaration de politique générale, rappelons-le, mardi après-midi. Les sports, en tennis, David Goffin a échoué en finale à Tokyo. Il s'est incliné il y a juste un peu plus d'une heure face à l'Australien Nick Kyrgios, 14e mondial. Et au Japon, toujours victoire de Nico Rosberg au Grand Prix de Formule 1 de Suzuka. L'Allemand a mené de bout en bout et marque des points décisifs pour le titre mondial. Et puis en football, Sébastien Pocognoli a été rappelé pour remplacer Jordan Lukaku, blessé. Les Diables Rouges s'envolent aujourd'hui vers Gibraltar. Le match est prévu demain soir. Enfin, dernière ligne droite pour l'opération Cap 48 en faveur des personnes handicapées. La grande soirée de clôture, c'est ce dimanche sur la Une Télé. Il vous reste donc la journée pour faire parvenir vos dons. Un seul numéro, le 0800 948 81. L'objectif cette année, passer la barre des 5 millions d'euros. Durant toute la soirée, un call center vous accueillera. Il s'est ouvert il y a une heure. Éric Dagonier a assisté aux dernières répétitions de l'émission dans le studio 40 de Média Rival Liège. Jean-Louis Lahaye en maître de cérémonie. Dans 5 minutes, on commence à enchaîner. On peut mettre Jean-Louis en place ? On commence dans le noir avec du monde derrière toi. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, ce qu'on va pouvoir voir, c'est des grands moments d'émotion. C'est d'abord une mobilisation générale aussi, tant au niveau de la RTBF que du public. Et puis on va aussi voir quand même une belle brochette d'artistes qui nous font le plaisir, ces artistes, de venir avec nous. Elle habite à Paris depuis moins de 3 mois. Par exemple, Christophe Maé, Jennifer, il y aura Mesmer, l'hypnotiseur, il y aura Patricia Cass, c'est son grand retour. Le jour est l'heure où tout a basculé. Cette année, le parrain de la soirée, c'est l'animateur télé préféré des Français et comédien Jean-Luc Reichmann. Moi-même, j'ai été touché par l'accident de la route, très grave, très sévère, puisque je suis resté handicapé à un moment donné pendant un an. Et en plus, je côtoie le handicap au quotidien, puisque j'ai une petite sœur qui est handicapée, qui plus est. Donc voilà, ces personnes ont besoin de nous, tout simplement. Et si nous, on n'est pas là dans ces moments-là, moi, je me devais d'être présent. Voilà, pour Cap 48, pour la bonne cause, pour la Belgique et pour dire merde, on est ensemble. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver sur le plateau de Cap 48. Et l'on compte bien sûr, comme chaque année, sur votre générosité. Belle journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Et puisque l'on en parle, et on n'a pas fini de vous en parler, ça je peux vous l'assurer, on va justement mettre le cap sur notre call center où l'on attend tous vos dons jusqu'à ce soir pour l'opération Cap 48. Serge Van Hallewijn, vous vous y trouvez? Comment oui. Ça se passe? Ça fait une heure que ça chauffe déjà, on l'espère, côté des téléphones. Ah oui, effectivement Nathalie, et ça se passe plutôt bien. Ça commence à tourner comme vous dites. Le compteur tourne, pour l'instant on affiche 145 000 euros. C'est le tout début de cette grande journée Cap 48. Et tout au long de cette journée, notamment sur la première, toute une série de séquences pour vous rendre compte de ce qui se passe ici au call center NALO. Nous sommes à Gosselies. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, pour faire un don. N'hésitez pas, on compte vraiment sur vous. 0800 9 48 81, 0800 9 48 81, ou via le site cap48.be. Toute une série de témoignages, de témoins. Vincent Faber, bonjour Vincent. Bonjour Serge. Vous êtes attaché de projet auprès de l'IMS situé à Ciné. IMS, ça signifie Institut Médico-Sociaux, c'est ça? Exactement. De Ciné. Alors il y a un projet qui vous tient à cœur, c'est le projet Inclusion. C'est quoi ce projet Inclusion? Alors le projet Inclusion, c'est un projet qui doit permettre à nos bénéficiaires de pouvoir rentrer en contact, rencontrer des personnes du monde extérieur. Alors les IMS de Ciné, vous devez imaginer que ça se présente sous la forme d'un grand village où sont accueillies quelques 330 personnes en situation d'handicap mental profond, avec pour la moitié d'entre elles également un handicap physique surajouté. Alors pour que nos auditeurs puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de personnes qui ont des capacités intellectuelles diminuées, une autonomie aussi très limitée, et donc des possibilités de déplacement tout aussi limitées. Et pourtant, nous faisons le pari, et nous voulons que ces personnes puissent s'inclure dans la société, puissent être des citoyens à part entière, puissent avoir des activités comme n'importe qui d'autre. Et pour cela, nous avons lancé un appel à Cap 48. Cap 48 qui nous a entendus en 2015, puisque Cap 48 offre 20 000 euros aux IMS et Sénégal. Ah oui, là, bien sûr, on est fiers et on remercie Cap 48 et à travers Cap 48, on remercie aussi tous ceux et celles qui ont donné, hein, et j'ai envie de dire continuez à donner parce que ça fait vraiment plaisir et c'est indispensable, vital. Oui. Et donc notre projet va se traduire par la création d'une mini-ferme pédagogique, d'un parc animalier. Alors parc animalier, bien sûr, le bienfait des animaux pour les personnes handicapées, c'est prouvé, mais en plus les animaux, c'est un vecteur de convergence, ça permet à des personnes du monde extérieur de venir, et on espère vraiment avoir un lieu de rencontre qui se crée chez nous comme ça. Plus que jamais, faites un don 0800 9 48 81 ou encore un don en ligne sur www.cap48.be. On compte vraiment sur vous. Ben oui, Serge, évidemment, et on va vous le répéter, la grande soirée télé, c'est dès 20h20, donc après le JT sur la Une. Donnez, donnez, donnez, comme disait l'autre. On compte bien entendu sur vous, 0800 948 81. Cap 48, vos dons sont attendus au 0800 9 48 81. Et à 10h09 sur la première, Alain Gerlache, il va non seulement donner, mais il va décoder. Merci Nathalie, on vous retrouve, ou quelqu'un d'autre. L'info revient à 11h. À 11h, merci. Où est la plus grande foire au vin de Belgique? Chez Cora! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. La première. 10h-11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF. Avec Alain Gerlache. Bonjour à tous. La semaine du numérique commence demain, un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Des dizaines d'activités de formation pour tous les publics. Avec quel objectif? Nous en parlerons avec nos invités. Les grandes chaînes hôtelières s'inquiètent du phénomène Airbnb. Frédéric Brébant nous dévoilera leur plan pour contrer ces locations entre particuliers. Comment la presse a-t-elle couvert l'affaire Westphal? Après le verdict, c'est le moment de prendre du recul et d'analyser le rôle joué par les médias. Vous écoutez Les Décodeurs, le magazine qui prend le temps de décrypter l'actualité du web, des médias et de la communication. 10h-11h, Les Décodeurs RTBF sur la première. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter avec le compte et le mot-clé LDCRTBF et la page Facebook Les Décodeurs RTBF. Vous y trouverez bien sûr toutes les infos sur l'émission et les liens vers les sujets abordés. Vos réactions sont aussi les bienvenues. Et pour commencer cette édition, le coup de com'. Dégooglisons Internet, c'est le mot d'ordre lancé par des partisans des logiciels libres. Ils s'opposent à la mainmise sur les numériques de ceux qu'on appelle maintenant les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Les libristes réunis au sein de l'association Framasoft cherchent donc à promouvoir des solutions logicielles alternatives, éthiques et décentralisées aux grandes solutions que l'on connaît habituellement, Outlook, Google Docs, WeTransfer ou encore Dropbox. Alors avec nous, pour en parler, Pouyou, médiateur chez Framasoft, bonjour. Bonjour. Le visuel de votre campagne, c'est une parodie de la célèbre image du village d'Astérix. Hein. On y voit le village libriste entouré des quatre camps, privatum, fermetum, espionum et centralisum. Vous êtes irréductible. Oh, irréductible, pas forcément, mais il y a ce petit aspect de résistance, et notamment d'envahisseur, puisque les GAFAM sont aujourd'hui incontournables dans nos vies numériques. Pour nous, ça pose quand même quelques problèmes. De quel genre? En gros, leur modèle économique est basé sur l'exploitation de nos données personnelles. Alors, données personnelles comme ça, c'est un mot qui est un peu froid et dont on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en fait, ce sont nos vies numériques, nos intimités numériques. Ces entreprises-là, en fait, récoltent de plus en plus d'informations sur nous et sur nos relations aux autres dans la vie numérique, afin de nous profiler et de vendre ce profil à des publicitaires. Mais beaucoup de gens les utilisent, ces solutions, et pourtant ils connaissent ce dont vous venez de parler. Ça veut dire qu'ils se font consciemment avoir ? c'est plus ou moins conscient, en fait. On ne se rend pas compte de la portée des données que l'on peut confier, c'est-à-dire faire confiance aux GAFAM. Mm-hmm. C'est ça qui est très important. Typiquement, lorsque dans son agenda, on va marquer, alors, désolé du sujet grave, mais on va marquer qu'on accompagne son frère ou sa sœur à une séance de chimiothérapie. Mm-hmm. Voilà, on le marque dans son agenda, on ne se rend pas compte qu'on est en train de dévoiler des choses extrêmement personnelles aux GAFAM et qu'en plus, cette concentration des données, parce qu'il y a à la fois l'espionnage, mais il y a une concentration. Tout le monde, vous venez de le dire, hein, utilise ces services-là, il y a un véritable monopole. Eh bien, cette concentration permet aussi un moissonnage des données, comme on a pu le voir avec la révélation d'Edward Snowden sur l'espionnage avec la NSA, ou comme on peut le voir aussi avec les lois de la loi renseignement en France, par exemple, qui a été promulguée par Manuel Valls. Et donc, vous, chez Framasoft, vous voulez proposer des solutions alternatives. Exactement. C'est exactement comme pour tout ce qui est la nourriture. Vous avez des hypermarchés, des supermarchés avec du Monsanto et des choses un peu bizarres à l'intérieur. Puis vous avez une alternative, c'est ce qu'on appelle le bio, ou le local ou le solidaire. Voilà. Et bien dans la vie numérique, c'est pareil. Il y a les bio du numérique, c'est ce qu'on appelle les libristes, les personnes qui défendent le logiciel libre, c'est-à-dire un logiciel qui respecte vos libertés à vous. Et l'idée, c'était de dire, voilà, face à 30 services des GAFAM, nous allons montrer que le logiciel libre apporte 30 réponses alternatives qui ne seront pas forcément les mêmes, qui ne seront pas forcément aussi parfaites. Parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien, mais qui permettent comme ça, à un moment donné, de sortir de ce monopole, d'avoir en fait le choix. Mais alors, par exemple, si j'utilise Dropbox, Skype, Google Docs, WeTransfer, hein, ce sont des solutions pour lesquelles vous avez des alternatives ? Bien sûr. Alors attendez, j'essaie de le faire dans l'ordre. Pour Dropbox, nous avons ce qui s'appelle Framadrive, qui est un équivalent libre, qui est extrêmement facile à installer. Moi-même, je ne suis pas du tout geek, j'ai réussi à l'avoir sur un petit serveur à la maison en deux clics. Mm-hmm. C'était parfait. Pour WeTransfer, nous proposons Framadrop. Et Framadrop, par exemple, a l'avantage par rapport à WeTransfer de chiffrer complètement les fichiers que vous mettez sur notre serveur. Ce qui veut dire que nous ne pouvons rien savoir de ce que vous avez mis sur nos serveurs. Alors pour ceux qui sont moins familiarisés avec ça, je signale que WeTransfer, c'est donc une plateforme d'échange de fichiers de tout type. Mais est-ce que vos solutions sont aussi efficaces ? Est-ce que ça marche aussi bien que les solutions officielles, disons-nous ? Alors, la plupart du temps, oui. Il faut le dire, ça marche aussi bien. Parfois, ça n'est pas aussi complet. Parfois, ça n'est pas aussi joli. Tout simplement parce qu'on est face aux géants du web états-unien qui sont les 5 plus grandes capitalisations boursières au monde. Il faut savoir que les 5 entreprises les plus riches du monde ne sont pas du pétrole, ne sont pas de l'énergie, ne sont pas du Big Pharma, c'est du Big Data, hein, c'est les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc ça veut dire que vous n'avez pas vraiment les moyens de proposer des solutions aussi efficaces dans tous les domaines ? Pas forcément, non. Après, ces moyens peuvent advenir. Puisque le gros avantage, c'est qu'on n'est pas dans une construction entrepreneuriale, on est dans une construction communautaire. Le logiciel libre, n'importe qui a la possibilité d'en étudier le code et de le modifier, d'apporter sa part. Et ça veut dire que c'est gratuit aussi ? Pas forcément. Le libre est forcément toujours payé, quelque part. Soit des entreprises financent, soit c'est financé par des dons, soit c'est financé par un autre modèle économique. C'est-à-dire qu'on ne paye pas le logiciel. Mais on peut payer, par exemple, les développeurs pour qu'ils nous fassent des fonctionnalités spécifiques à nos besoins ou pour qu'ils nous éduquent, qu'ils nous forment. Voilà. Mais le libre ne veut pas forcément dire gratuit. Votre slogan, c'est « La route est longue, mais la voie est libre ». Vous savez que ça prendra du temps avant de convaincre éventuellement le grand public. Tout à fait. Nous sommes une association d'éducation populaire et l'éducation, ça prend du temps. C'est aussi simple que ça. Par contre, nous voyons de plus en plus des personnes qui sont concernées par ces sujets et qui donc cherchent des alternatives, cherchent quelque chose qui correspond mieux à leurs valeurs. Et d'un coup d'un seul, on arrive à faire le lien entre ces alternatives qui existent déjà. Nous n'avons rien inventé, mais nous avons juste voulu faire le lien avec ce public qui recherchait des valeurs plus humaines, on va dire plus humanistes, dans leur vie numérique. Alors, où peut-on trouver les informations sur votre association et vos propositions ? Allez, deux sites suffisent. Soit vous allez sur framasoft.org pour connaître tous les projets qu'on peut présenter, parce que là, on parle principalement des services, mais on peut parler aussi de culture libre ou de logiciel libre. preuve que vous allez sur dégoublison-internet.org et vous allez voir, il y a tous les enjeux qui sont inscrits dans la page principale et puis vous avez une petite liste des services et vous trouvez tous les services que nous proposons à portée de clic. Eh bien, j'ose à peine vous dire que l'on va indiquer ces références sur notre page Facebook. C'est très gentil. Voilà, non, mais bien sûr, nous utilisons aussi Facebook et Twitter, etc. Parce que pour dégoogliser les gens, il faut aller les chercher là où ils sont. Okay. Il n'y a pas de morale là-dessus. Ok, Pouyou, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Avec plaisir. Merci à vous. À noter que chez nous aussi, il y a des libristes et des associations de défense des logiciels libres. C'est à découvrir sur notre page ou avec le mot-clé LDC-RTBF. Les décodeurs RTBF sur la première. Mais encore faut-il maîtriser les outils. Et précisément, c'est demain que commence la semaine numérique en Wallonie et à Bruxelles. Nous en parlons avec notre invité, Paul De Teux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de Média Animation et vous êtes aussi le coordinateur ou le co-organisateur plutôt de la semaine numérique en partenariat, notamment avec la RTBF. Alors, ce n'est pas la première édition, hein, mais quel est le but de cette semaine qui dure d'ailleurs un peu plus qu'une semaine, je crois. Oui, tout à fait. Alors, le but, c'est vraiment de s'adresser à tous ceux qui souhaitent apprendre, aller plus loin, découvrir tous les aspects du numérique, que ce soit les débutants, les personnes qui cherchent encore à mettre le pied dans un univers qui reste encore un peu étrange pour eux, ou bien des gens qui sont des utilisateurs confirmés, mais qui veulent creuser un aspect particulier d'Internet et du numérique. De tous âges, de toutes conditions, donc. Tout à fait. Ça s'adresse vraiment à un très large public, parce que ce sont des activités qui sont proposées à travers toute la Wallonie, et Bruxelles, bien sûr, mm-hmm. par toute une série d'opérateurs, d'associations, beaucoup les espaces public numérique oui. qui travaillent toute l'année dans ce domaine-là, mais qui ont un coup de projecteur avec la semaine numérique qui met en avant leurs activités. Et alors, votre thème cette année, c'est « Place au rêve ». Oui, c'est ça. Donc, chaque année, on définit un thème particulier. Mmh. Et donc, pour cette année-ci, effectivement, on a voulu se projeter, imaginer le numérique du futur. Et donc, dans le cadre de ce thème, on a proposé un concours où n'importe qui peut proposer une photo, une image, un dessin, où il imagine l'Internet ou le numérique de demain. C'est un concours d'ailleurs où on peut gagner un prix, un casque Oculus ou une montre connectée. Mmh. Et Oculus, c'est un casque de réalité virtuelle. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la pointe actuellement voilà. de la mode en matière de numérique. Exactement. Et donc, jusque jeudi soir, n'importe qui peut aller sur le site Place aux Rêves. C'est d'ailleurs une opération commune francophone-néerlandophone, puisque la semaine numérique s'organise parallèlement à la Digital Week flamande. Ça, c'est aussi à souligner. C'est assez rare, mais bon, puisque le numérique dépasse les frontières, par définition, on peut aussi travailler avec les Flamands. Tout à fait. Donc, depuis 2008, les deux semaines, on travaille vraiment en collaboration. On a défini le thème en partenariat avec la semaine néerlandophone. Et donc, voilà, tout le monde est invité à participer. Il faut aller sur le site placeaurêve.be et n'hésitez pas à mettre vos images, vos photos, vos illustrations. Mais pourtant, quand même, avec le vol de données, la surveillance généralisée, l'espionnage de nos vies, on en parlait à l'instant, le numérique ne fait quand même plus beaucoup rêver, et je ne parle même pas des pertes d'emplois que l'on lui impute. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir aussi une dimension critique par rapport au numérique, de se rendre compte, effectivement, des enjeux économiques, sociaux qu'il y a derrière ça. Donc, il y a des ateliers qui sont organisés. Vous n'êtes pas des technobéas, comme on dit parfois. Absolument pas. Donc, on prend vraiment le numérique dans une perspective d'éducation aux médias. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective-là que la RTBF soutient la semaine numérique, de façon à justement avoir un regard distancié. Et tout ce qu'on a entendu il y a quelques instants sur les logiciels libres, c'est un gros enjeu. Oui, j'allais vous en parler. Vous ne faites pas que promouvoir les programmes reconnus ou en tout cas les plus présents sur le marché. Non, pas du tout. Vraiment, l'important, c'est de développer une distance critique, d'avoir une approche citoyenne du numérique et donc, dans une logique proche de l'éducation permanente, vraiment comprendre les enjeux de ces outils. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des ateliers, par exemple, sur les logiciels libres. Hein. Il y en a, par exemple, un à Bruxelles qui propose 45 logiciels libres en 45 minutes. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un parcours rapide, mais pour montrer D'accord. justement toutes oui. les possibilités. Il y en a un autre, par exemple, à la Louvière, sur choisir un système d'exploitation alternatif. Donc, c'est vraiment explorer d'autres possibilités. Donc, vous n'avez pas de religion particulière. Vous essayez de balayer large et d'ouvrir, finalement, un public aussi très, très large au numérique qui est devenu incontournable aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Comme je disais, depuis la personne qui n'est pas encore à l'aise avec ses outils, mm-hmm. jusqu'à la personne qui veut réfléchir à la façon d'utiliser ce vers quoi on va. Parce qu'on sait bien que la fracture numérique, elle est aujourd'hui dans les usages plus que dans la mise à disposition du matériel. Oui, tout à fait. C'est la fracture numérique qu'on appelle de second niveau habituellement. Mm-hmm. C'est-à-dire que les outils sont là, on en a une certaine familiarité, mais on a de la peine à les utiliser correctement, à comprendre ce qui se passe derrière l'outil qu'on utilise. Alors concrètement, hein, je le disais, cette semaine qui dure une dizaine de jours, ce qui montre que vous êtes quand même un peu fâché avec les chiffres malgré tout, il y a 267 activités un peu partout, c'est bien ça ? C'est bien ça. Donc ce sont vraiment tous ceux qui travaillent dans ce secteur qui ont participé à cette opération. Donc effectivement, sur le site lasemainenumérique.be, vous retrouverez par région ou par thème les 267 ateliers qui sont organisés. Et puisque nous voulons être concrets, nous retrouvons Martine Delbrouck. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de l'espace public numérique à Arlon. Qu'est-ce que vous allez proposer comme activité ? Eh bien, en fait, on va essayer de proposer des activités pendant cette semaine numérique un peu différentes de ce qu'on propose d'habitude. On va prendre un exemple, simplement, utilisation de la carte d'identité électronique. Tout le monde a reçu une carte d'identité électronique, mais ne sait pas nécessairement tout ce qu'elle va donner, les droits qu'on peut avoir, ou toutes les activités qu'on peut faire avec cette carte. On va faire un atelier généalogie, et puis dans la partie un peu fun... Pardon, on va faire un atelier « La cuisine se met au numérique ». Ah bon ? Donc c'est pas simplement... Oui, c'est quoi ça, par exemple, la cuisine numérique ? Alors ça, voilà, la cuisine numérique, mais il y a toutes sortes de sites internet, de recettes de cuisine, etc. Donc on va chercher un petit peu comment trouver une recette facile ou avec certains ingrédients, parce que tout le monde connaît le site internet Marmiton, voilà. Mais il y a d'autres sites internet. Hein. Et alors, on va essayer de mettre en pratique, au sein de notre PN, on va mettre en pratique quelques recettes de cuisine qu'on aurait trouvées sur internet. Alors, PN, c'est espace public numérique. Espace public numérique. Alors, et notre espace public numérique à Arlon s'appelle Un clic pour tous. Un clic pour tous. Mais justement, quel est l'enjeu de cette semaine pour vous ? Nous, notre enjeu cette semaine, c'est essayer de toucher un public un petit peu plus large que nos utilisateurs habituels. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes, soit des personnes âgées, des personnes retraitées, ou des demandeurs d'emploi qui veulent se remettre un petit peu au goût du jour par rapport au numérique. Et l'idée, c'est de toucher un public plus large. Pour dire, le numérique, ce n'est pas simplement apprendre à faire des documents en Word. C'est le monde actuel. Tout est passé au numérique et on peut apprendre à utiliser le numérique de manière un peu différente, finalement. C'est ouvrir d'autres horizons que simplement utiliser son ordinateur pour dire je fais une recherche Google ou je fais un document en traitement de texte. Oui, quelque part, vous voulez conjuguer ouverture et esprit critique. Hein. Oui, exactement. Oui. Alors, pour les gens de votre région qui nous écoutent et qu'on salue, on vous trouve où concrètement ? Alors, nous sommes rue de Diekirch à Arlon, donc en plein centre d'Arlon. On vient juste de déménager, donc la semaine numérique tombe, mais vraiment bien, parce que ce sera l'ouverture de nos nouveaux locaux en plus. D'accord. Donc la rue de Diekirch, on se situe exactement en face des bureaux du Forum, du cinéma d'Arlon, etc. Donc on est vraiment en plein centre. Parfait, ce qui montre bien que c'est très concret, c'est toujours physique aussi. Et sur le web, on vous trouve où ? Alors, sur le web, nous avons notre propre site internet qui est epnarlon.com, donc epnarlon en un mot, et nous avons une page Facebook, epnarlon également. Eh bien, Martine Delbrouck, merci beaucoup et bonne chance à vous et à tous ceux qui suivront vos activités. Paul Deteux, en conclusion, on vient de le voir, c'est en effet très concret, c'est très varié, c'est très décentralisé, ça c'est aussi la philosophie du numérique positif quelque part. Un site à vous où on peut trouver la liste de vos activités, les thématiques et ce fameux concours d'appel aux rêves. Voilà, donc ça, c'est lasemainenumérique.be, c'est vraiment le site où vous retrouverez une carte qui reprend prend tous les lieux où ont lieu les plus de 260 ateliers durant alors la grande semaine, puisqu'effectivement, vous avez raison, on déborde un petit peu une semaine de 7 jours. Je ne veux pas le rater. Hein. Bien sûr. Paul Deteux, merci beaucoup et bonne chance à ceux qui suivront toutes les activités de la semaine numérique et qui auront le goût du rêve. Merci. California Dreaming, c'était Mamas and Papas et à Frédéric Brébant qui se marre parce qu'il voit que j'ai de nouveau 15 ans. Parce que vous dansez, il n'y a point de caméra ici, mais ça vaut la peine. Toute ma jeunesse, dans quelques secondes, on vous retrouve. Vous allez nous dire comment les grandes chaînes hôtelières veulent concurrencer Airbnb. Les décodeurs RTBF, 10h-11h sur la première. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. La première présente... Bosa. Envolez-vous vers le Mali en compagnie du trio Dakali. Au son des instruments et de la voix d'or de sa chanteuse, le trio inscrit l'art ancestral des griots dans le présent. Un concert à vivre le 14 octobre à Beaux-Arts. Info Beaux-Arts.be. Paul Simon en concert le 1er novembre à Forêt Nationale. Il interprétera ses plus grands classiques et une sélection de titres de son nouvel album. Tickets gracialive.be. Paul Simon à Forêt Nationale le 1er novembre avec le soir, la 2 et la première. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10. Faut te reprendre, hein. Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. 10h-11h, sur la première. Les décodeurs RTBF. Bientôt 10h32, nous sommes en direct sur la première. Dans quelques minutes, nous ferons en quelque sorte un débriefing de la couverture médiatique de l'affaire et du procès Westphal. Et vos avis, suggestions et remarques sont bien sûr attendus. Mais d'abord, la séquence tendance pub de Frédéric Brément. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Plus marketing quand même un peu cette semaine, plus marketing que pub, on va en effet s'intéresser à un nouveau concept imaginé par un grand groupe hôtelier pour contrer le célébrissime Airbnb. Voilà, a priori tout le monde connaît Airbnb. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'une plateforme d'hébergement en ligne. Grâce à elle, vous pouvez réserver des logements, des maisons, des appartements chez le particulier, tout autour de la planète. La plateforme a été lancée en 2008. Alors au début, les grands groupes hôteliers regardaient Airbnb avec beaucoup de condescendance. Ils ne voyaient pas vraiment la menace potentielle de ce nouvel acteur. Mais au fil des années, ils ont commencé à déchanter. Airbnb a grossi au point d'être devenu aujourd'hui le numéro un mondial du tourisme en termes de capacité d'hébergement et de valorisation financière. Airbnb, c'est aujourd'hui 1,5 million d'adresses qui sont répertoriées dans 34 000 villes sur les 5 continents. L'entreprise, paradoxalement, ne possède aucun lit, oui. Mais elle pèse aujourd'hui 30 milliards de dollars selon l'agence Bloomberg. À titre de comparaison, le groupe Hilton, qui est le leader mondial de l'hôtellerie classique, ne pèse que, entre guillemets, 24 milliards de dollars. Et donc, pour résister à ce rouleau compresseur qui est devenu Airbnb, les grandes chaînes d'hôtels sont obligées, quelque part, de se réinventer. Tout à fait. Et c'est le cas, par exemple, du groupe Accor Hotel, qui pèse 11 milliards de dollars quand même. Accor Hotel, vous connaissez. Ce sont notamment les chaînes Sofitel, Pullman, Mercure, Novotel, Ibis. Ce n'est pas rien. Et donc, effectivement, pour résister à la concurrence grandissante d'Airbnb, ce groupe hôtelier a décidé d'investir dans des projets originaux. Ils ont notamment pris des participations dans deux sites internet spécialisés dans la location d'appartements et de villas haut de gamme de particuliers. Mais surtout, Accor Hotel vient de lancer une toute nouvelle marque pour mieux épouser les nouveaux modes de consommation touristique. Cette chaîne va s'appeler Joe & Joe. Elle ouvrira son premier hôtel à Paris en 2018 et ensuite une cinquantaine d'autres établissements vont être inaugurés d'ici 2020, principalement en Europe et en Amérique latine. L'idée, c'est de séduire les millennials. Vous savez, cette jeune génération qui a été biberonnée au numérique, qui est accro aux réseaux sociaux comme Facebook et Snapchat. Bref, en gros, les 18-35 ans qui ne voient pas le monde comme nous et nos parents. Mais alors, en quoi cette nouvelle marque va être réellement différente de l'offre habituelle qu'on connaît ? Alors d'abord, il y a le prix qui se veut plus accessible dans l'hôtellerie avec des nuitées, par exemple, à partir de 25 euros par personne. Et ensuite, il y a le design qui bouleverse complètement les codes traditionnels de l'hôtellerie. Pour imaginer les hôtels Joe & Joe, Accor a fait appel au designer britannique Lee Penson. C'est lui qui a dessiné notamment les sièges des bureaux de Google et de YouTube. J'ai vu quelques dessins, c'est assez séduisant. On est plus dans l'esprit start-up que dans l'hôtellerie classique, c'est très convivial. L'idée, je cite, c'est de fusionner le meilleur de la location privée, de l'auberge de jeunesse et quand même de l'hôtellerie. Donc il y a à la fois des dortoirs avec des chambres modulables, mais aussi des appartements de 2 à 5 personnes, des espaces de vie communs, comme des cuisines avec évidemment Wi-Fi, prise USB, tout le tout-team technologique. D'ailleurs, le groupe Accor refuse d'utiliser le mot « hôtel » à ce sujet. Il préfère utiliser l'expression « open house », puisque l'endroit, et c'est ça la nouveauté, sera aussi bien ouvert aux clients, qui sont appelés « tripsters », et aux habitants du quartier, qui seront membres de la communauté Joe & Joe, et qu'on va appeler les « townsters ». Et ce sera très « chill », comme disent les jeunes aujourd'hui. Bon, d'accord, on mettra un glossaire sur le site. Mais enfin, on sait que l'esprit communautaire et que le monde collaboratif, tout ça est très à la mode auprès de cette génération, et justement la chaîne Joe & Joe va jouer cette carte-là à fond. Exactement. Le but, c'est d'organiser cette nouvelle marque autour d'un esprit, d'une communauté. Donc, cela va se faire via une appli sur votre téléphone, une appli communautaire à laquelle chacun pourra souscrire. Et donc, que vous soyez voyageur à Berlin ou à Caracas, ou vous-même habitant à Bruxelles, et pour peu qu'il y ait un établissement Joe & Joe près de chez vous, vous pourrez y accéder pour échanger, discuter, cuisiner avec les autres membres de la communauté. Encore une fois, on est entre l'auberge de jeunesse, la location d'appartements et l'hôtellerie, sauf qu'il n'y aura pas vraiment de lobby dans ces open house Joe & Joe. Tout se fera via cette fameuse appli pour avoir accès à l'espace de logement et aux chambres. hacker prévoit même un chatbot, hein, vous savez, ces fameux robots vocaux, oui, pour faire office de concierge. Bref, on est vraiment dans un nouveau concept qui, je le rappelle, va éclore en 2018 à Paris et qui permettra donc au groupe Accor de se différencier pour mieux résister au succès presque insolent d'Airbnb et donc pour surtout séduire la jeune génération qui est en train de lui échapper. Eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Les décodeurs RTBF sur la première. 1er novembre 2013, 6 octobre 2016, l'affaire Westphal a duré 3 ans de procédure judiciaire et de traitement médiatique. La cour d'assises de la province de Hainaut-Séan-Mons a rendu l'arrêt suivant. À la question principale de culpabilité, non. Ça va? C'est bon? C'est fini? Chut, taisez-vous, s'il vous plaît. Donc il a essayé de me jeter sur le lit, si tu veux. J'ai bondi non, et alors il m'a pris par les poignets. Nous, on a tous été pitoyables de voyeurisme. 3 ans de souffrance pour tout le monde. Tout est bien qui finit bien. Hein. Pendant un mois, Sud Presse aura beaucoup vendu en respectant scrupuleusement la présomption de culpabilité. À la question principale de culpabilité, non. Nous avons tous joué au Cluedo géant que nous a offert le paysage juridico-médiatique wallon. Et d'avoir été laminé et traité d'assassin par tous, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, il va falloir se reconstruire. Pour nous, pour tout le monde, quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis, vraiment. Les médias ont-ils fait correctement leur travail? Nous en parlons avec Jacques Englebert, avocat et spécialiste du droit des médias que vous enseignez à l'ULB. Vous êtes aussi membre du Conseil de déontologie journalistique que vous ne représentez évidemment pas ici en tant que tel. Christian Carpentier, chef d'édition à Sud Presse, et au téléphone Benoît Grevis, professeur à l'école de journalisme de l'UCL, et vous intéressez notamment au rapport entre presse et justice. Bonjour à vous trois. Vous pouvez évidemment intervenir sur Facebook, les décodeurs RTBF, et via Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF. Alors, Bernard Westphal a annoncé hier dans l'Écho qu'il avait mandaté l'avocat Marc Heutendahl pour défendre ses intérêts dans une série de procédures visant, je cite, « les médias qui n'ont pas respecté aucune forme de déontologie et qui ont craché sur la présomption d'innocence ». Fin de citation. Une information confirmée par cet avocat qui estime que son client a été victime, je cite aussi, d'un lynchage médiatique, mais il n'a pas précisé de quel média il parlait. C'est une démarche légitime, voire justifiée, selon vous, Jacques Englebert ? C'est une démarche prévisible. Je crains qu'elle soit maladroite en l'espèce pour une raison particulière au litige. J'ai lu aussi qu'il dit ben, « la presse a bafoué ma présomption d'innocence, c'est insupportable et maintenant ils vont rendre des comptes ». Et il fait allusion notamment au titre « Assassin ». C'est un assassinat qui a été publié par le groupe Sud Presse à l'époque. Il y a juste un petit problème pour M. Westphal, c'est qu'il a été acquitté au bénéfice du doute. Et la cour d'assises de Mons, au moment du prononcé, le président Morandini a été très clair. C'est pas tous les jours qu'on a une motivation aussi précise où on insiste. Malgré le fait qu'il y a 5 points qui sont repris, qui nourrissent le doute, on l'acquitte au bénéfice du... Et c'est tout à fait justifié qu'il soit acquitté au bénéfice du doute. Mais ça veut dire qu'il y a un doute. Et ça veut dire qu'il y a une base factuelle suffisante pour que la presse se soit pendant 3 années intéressée à ce doute et à toutes ces zones d'ombre. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on va reprocher à la presse ? Quand Sud Presse a dit « c'est un assassinat », Sud Presse n'a pas sorti ça de son chapeau, c'était la prévention retenue par le parquet à l'époque. Il y avait donc une base factuelle. Et donc, je crains que ce soit un mauvais combat. Benoît Grevis, votre avis sur cette démarche de Bernard Westphal ? Bon ben, je partage en partie l'avis de Jacques Englebert, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur ce titre, et pas uniquement sur Sud Presse non plus, hein, d'ailleurs, qu'on entendait citer dans le lancement. C'est sûr que d'autres ont aussi commis des dérapages. Il n'y a pas que cet article dans Sud Presse non plus. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes à partir du moment où des journalistes possédant le dossier n'ont dans certains cas retenu que les éléments à charge. Ça, je pense qu'il est assez simple de le démontrer. Je pense qu'il y aura quand même un débat intéressant parce qu'à un moment, c'est aussi la question de la responsabilité qui va se poser. Dans un certain nombre de cas, il y a des pratiques journalistiques et puis elles sont... cautionné, voire incité parfois par des responsables de rédaction qu'on n'a pas toujours d'ailleurs le bonheur d'entendre répondre sur ces questions. Christian Carpentier, est-ce que vous vous sentez visé par cette démarche de Bernard Westphal ? Moi d'abord je trouve très bien que quelqu'un qui s'estime lésé par notamment des articles de presse mais pas seulement ait le droit de demander réparation. Ça, moi je suis un légaliste et je dis toujours que nous avons des comptes à rendre et à nos lecteurs et à la justice, très clairement. Ici moi je ne vais pas anticiper sur une plainte qui est au stade de l'intention. On a vécu beaucoup d'exemples par le passé où je vais déposer plainte et puis finalement la plainte n'arrive jamais. Attendons qu'elle soit déposée, attendons de voir qui elle vise, en quel terme elle est rédigée et ce que la justice en pensera. Sur la une en question, écoutez, ça fait 3 ans qu'on dit la même chose. Je veux bien encore venir pendant 3 ans vous redire la même chose, mais il y a un moment où je vous renverrai à vos propres archives sonores. Ça m'évitera de faire une heure de route le matin. C'est qu'on reconnaît qu'il y a une erreur dans le fait que dans ce titre, il fallait des guillemets, mais il n'y avait aucune intention de nuire. J'en veux pour preuve, d'abord, le fait qu'il y a un sous-titre qui mettait bien en valeur, effectivement, comme le dit Jacques Englebert, que c'est la thèse du parquet de Bruges. C'est expliqué en long et en large dans les pages 2 et 3 qu'on consacre à ça. Et puis, moi, je m'interroge quand même sur la séquence, venir 3 ans après déposer une plainte au civil pour ce titre-là, il y a d'autres choses, d'autres médias sont concernés, mais alors que... Oui, vous n'avez pas été cité, même s'il y a fait référence. Mais je veux dire, Bernard Westphal nous en veut tellement après cette une que la première interview exclusive en prison, un quotidien qu'il accorde, c'est à Sud Presse, que le quotidien auquel son entourage donne les bonnes feuilles de son livre qui sort demain, c'est Sud Presse, que dans les bonnes feuilles de ce livre, il remercie une série de gens, dont 2 journalistes, dont un est Luc Gauchel, mon excellent confrère et collègue de la Meuse-Liège qui a couvert tout le procès, et que la première interview que sa fille donne à un média ce week-end, c'est Sud Presse. Donc là, soit on en veut vraiment énormément à un média d'avoir répercuté une thèse du parquet de Bruges, certes en manquant de guillemets, je le reconnais, là-dessus je n'ai aucun souci, soit on en veut et alors on ne lui parle plus, mais on ne passe pas 3 ans à lui fourguer tout ce qu'on peut de bon. Je rappelle aussi que on a consacré énormément de place à cette affaire dans nos pages. S'il y a bien un journal qui a aussi mis sur la place publique les éléments à décharge de M. Westphal, dont les fameux mails de fameux Oswald de l'amant de Véronique Piroton, c'est Sud Presse en mai dernier. Voilà, mais on ne va pas évidemment focaliser sur vous, même si évidemment vous étiez impliqué dans cette déclaration. Mais un mot quand même sur la présomption d'innocence, Jacques Englebert. Elle s'impose à qui, cette présomption d'innocence ? La présomption d'innocence est une règle au départ de procédure pénale qui devient un principe général de droit du procès équitable. La personne poursuivie ne peut pas être préjugée par les autorités judiciaires et par extension les autorités publiques. Donc quand quelqu'un a, évidemment, un juge, le parquet, des experts, voire un ministre qui dirait cette personne est coupable avant même qu'elle soit jugée, on préjuge. Mais si ça ne s'adresse pas à la presse. Donc si un journaliste ou un chroniqueur ou un blogueur ou que sais-je estime qu'un tel, je ne vais pas personnaliser dans cette affaire, est coupable et qu'il écrit et qu'il explique son point de vue, il n'enfreint pas cette présomption d'innocence qui ne s'applique pas à lui. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Voilà. Parce qu'il ne juge pas. Il y a un malentendu, malheureusement, c'est un malentendu entretenu par les juristes. On dit, comme la presse juge, elle doit respecter les mêmes règles que la justice. Sauf que le mot juge, quand on parle de la presse, n'est pas le même que le mot juge quand c'est la justice qui juge. La justice, elle envoie des gens en prison aux États-Unis, à l'échafaud, à la mort. La presse, pas. Oui, mais la presse peut quand même clouer quelqu'un au pilori, on le sait. Elle peut clouer quelqu'un au pilori, et puis cette personne-là, si elle estime qu'il y a une faute, peut attaquer la presse en justice. Mais venir dire, je trouve qu'il faut être particulièrement gonflé, de venir dire la presse a porté atteinte à la présomption d'innocence de M. Westphal, alors qu'il a été acquitté. Mais si on avait porté atteinte à sa présomption d'innocence, il serait en prison maintenant. Où est ? On a dit à la boucherie médiatique, comment voulez-vous qu'il puisse y avoir un débat serein ? Mais le débat serein, on l'a eu. Et donc il faut arrêter de venir dire en permanence que la presse dérape, que la presse commet. La presse fait un boulot, parfois bien, parfois mal, mais elle fait son travail. Benoît Grevisse, vous avez quand même parlé de dérapage avec S. Oui, absolument. Je pense que techniquement, Jacques Englebert a évidemment raison, mais en même temps, il oublie, et il le sait puisqu'il est au conseil de déontologie, qu'en déontologie aussi, le journaliste est tenu à la présomption d'innocence. C'est repris dans les jurisprudences internationales des conseils de presse. Alors, c'est pas la présomption d'innocence en tant que telle, et il a raison évidemment sur le plan juridique, mais le journaliste est tenu au devoir de vérité, c'est même le premier devoir, et ce devoir de vérité, évidemment, oblige le journaliste, et c'est le moins qu'on puisse faire quand même, à envisager l'ensemble des éléments, en l'occurrence à charge et à décharge, et je voudrais revenir là-dessus aussi, je suis par contre complètement d'accord avec lui quand il dit « attention, on parle des médias qui dérapent », au sein de même rédaction, on a observé des journalistes qui avaient des pratiques complètement et des conceptions complètement différentes les unes des autres. Mais c'est ça, on renoue mais c'est pas avec des pratiques d'une autre époque. Mais c'est pas la preuve que la presse est pluraliste finalement et qu'elle cherche la vérité. Quand on cherche la vérité, c'est qu'on ne l'a pas par définition. Ah ben, par définition, évidemment, mais enfin, en attendant, les journalistes sont quand même tenus de prendre en compte les différents éléments, les différents points de vue, qu'on soit oui ou non d'accord avec ces points de vue a priori, ce qui n'empêche pas, évidemment, la presse de donner son avis. Moi, je n'ai aucun souci qu'il y ait une prise de parti explicite à un moment, sans quoi, évidemment, la presse perdrait un autre rôle qui est extrêmement important, qui est celui de chien de garde de la démocratie. Il est normal qu'un journaliste puisse dire à un moment, je ne suis pas d'accord avec tel type de décision, même de justice. Christian Carpentier. Mais ce qui s'est passé dans cette affaire Westphal, c'est ce qui se passe dans toutes les affaires judiciaires. C'est un fonctionnement en deux temps. Pourquoi ? Dans un premier temps, qui donne les éléments aux journalistes ? Ce sont les policiers, les magistrats, les avocats, les accusateurs qui justifient. Les journalistes aiment bien dire qu'ils ont découvert un certain nombre de choses, mais en fait, ils les ont su. Hein. Forcément, dans une source, il y a à la base quelqu'un qui abreuve cette information dans un scoop. Le journaliste, il n'est qu'une courroie de transmission entre une source et le public. Donc, dans un premier temps, il y a ça. C'est finalement l'accusation qui balance principalement les informations, et puis dans un second temps, c'est la personne qui est mise en cause, son entourage, ses avocats qui ont accès au dossier, qui ont accès à des éléments et qui eux-mêmes se mettent à faire des fuites et qui permettent à la presse alors de faire son boulot de façon beaucoup plus contrebalancée, parce que dans un premier temps, bien entendu, on n'a que les éléments à charge. Par définition, si un juge d'instruction déclenche une perquisition chez quelqu'un ou une arrestation de quelqu'un, c'est qu'il estime qu'il a du lourd et il le justifie dans les médias en donnant ce lourd qu'il a. Donc c'est un schéma tout à fait classique, et si on regarde l'affaire Westphal sur la durée, c'est-à-dire sur les 3 ans que vous avez rappelé, c'est exactement ça qui s'est passé ici de nouveau. Que penser du traitement médiatique de l'affaire et du procès Westphal ? Nous en parlons avec Jacques Anglebert, avocat et spécialiste du droit des médias, Benoît Grevis, professeur à l'école de journalisme de l'UCL, et Christian Carpentier, chef d'édition à Sud Presse. Vous pouvez réagir via Twitter, LDC-RTBF ou Facebook, les décodeurs RTBF. Les décodeurs RTBF sur la première. Autre aspect de la couverture de ce procès et qui a sans doute aussi pesé sur la façon dont les médias en ont parlé, c'est la montée en puissance d'Internet, du web, des médias en ligne qui rencontrent l'intérêt du public. Écoutez ce qu'en disait le journaliste du soir, Marc May de Penningen, cette semaine sur notre antenne. Qu'est-ce que la publicité des débats maintenant signifie dans ce monde moderne, hyper connecté, hyper intéressé aussi? On a fait en direct depuis le procès par tweet, etc. On a eu 681 000 personnes visiteurs uniques qui l'ont suivi pour 1 700 000 heures de vues. C'est quelque chose de considérable qui ne traduit pas une espèce de malignité, mais bien en intérêt du public pour la chose judiciaire. Benoît Grevis, cela démontre que le public s'intéresse vraiment à cela et que donc les médias répondent à cet intérêt. Moi, je pense que c'est extrêmement intéressant à observer parce qu'effectivement, c'est la fonction de justice rendue devant le public. Alors évidemment, ça peut entraîner un certain nombre de dérives, mais en tout cas, la manière de montrer la justice en train de se faire est un rouage démocratique essentiel. Non, je ne dis pas que ça ne pose aucune question. C'est vrai que quand on fait un live tweet... Quelle question, par exemple? Quand on fait un live tweet, par exemple, je pense à Marc May de Penningen. Donc un live tweet, c'est de donner sur Twitter, à une fréquence parfois extrêmement rapide, des informations ou des citations ou des extraits de ce qui se dit. Donc on relate en temps réel un petit peu les débats. Oui, voilà. Donc on peut être quasiment au sein de la cour d'assises sans y être en Suisse. C'est, de ce point de vue démocratique, on a suffisamment reproché à la justice de ne pas être, on va dire, j'aime pas le terme transparente, mais en tout cas visible dans son action. Ici, on peut combler ce manque. Par contre, c'est vrai que quand on est amené, par exemple, à injecter des pièces du dossier pour pouvoir raconter des choses, ça pose mon avis, je me suis à un certain moment demandé s'il était bien utile de mettre telle ou telle pièce directement en ligne. On peut d'une certaine manière court-circuiter les règles qui ont été imposées aux médias dans la couverture des débats. Jacques Englebert, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, finalement, de diffuser les procès, comme par exemple ça se fait dans certains pays ? Évidemment, je dois dire que moi, je me réjouis de ce succès médiatique, parce que la publicité, Benoît Grévy vient de le dire, c'est une garantie démocratique fondamentale. Ça montre que le public s'intéresse à ce qu'il dit. Et surtout, c'est qu'il y a une tendance inverse que l'on voit aujourd'hui. C'est qu'on a plutôt envie qu'il n'y ait pas trop de publicité autour des procès, de façon générale. Donc, mais est-ce que le public va bien comprendre ce dont il s'agit? Il y a un vocabulaire, moi je ne comprends pas tout, je ne suis pas juriste. Est-ce qu'il ne faut quand même pas qu'au-delà de la simple diffusion comme ça, brute, il y ait une explication, une mise en perspective? Alors, il y a deux choses. Le journaliste a un double rôle. Il est d'abord les yeux et les oreilles du public qui ne peut pas être partout. Le journaliste est aux endroits où nous ne pouvons pas aller et il est le témoin. Quand on a dit « c'est scandaleux d'avoir montré Dominique Strauss-Kahn sortir du tribunal à New York avec des menottes », la question est de savoir « est-ce que Dominique Strauss-Kahn est sorti du tribunal avec des menottes ?» Oui, non. Si j'étais à New York, à ce moment-là, je l'aurais vu. Je ne pouvais pas être à New York. Heureusement, il y avait des journalistes qui étaient là à ma place et qui sont mes yeux et mes oreilles. Est-ce qu'il fallait le montrer avec des menottes ? Mais ça, c'est pas la presse qui est coupable. Ce sont les autorités judiciaires. Deuxièmement, on attend aussi de la presse un travail d'analyse. Mais l'un ne se fait pas sans l'autre, et je n'ai pas l'impression que nous n'avons aucune analyse qui est donnée par la presse en Belgique. On a les deux, et je trouve qu'il est bon d'avoir les deux, et il est bon d'avoir comme ça, c'est direct. J'étais un peu déçu que la Cour n'ait pas profité de l'affaire Westphal pour... Les états généraux des médias d'information, il y a 3 ans, ont proposé que l'on puisse filmer avec des équipes tous les procès qui intéressent. Pourquoi pas ? Christian Carpentier ? Qu'est-ce que c'est la justice ? C'est la société, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, qui délègue un certain nombre de pouvoirs à un certain nombre de gens, très restreints, de vérifier et de dire si la loi a été respectée ou pas. Cet acte-là, il doit être public. La société ne délègue pas le pouvoir à des juges pour que ça se règle dans un cagibi sans avoir aucune justification et sans avoir aucune motivation des jugements. C'est d'ailleurs la réforme qui est intervenue il y a quelques années pour obliger la cour d'assises à motiver aussi les jugements. Donc, les magistrats qui sont des délégués de la population, ils ont des comptes à rendre à cette population, et je rejoins tout à fait Jacques Englebert sur le fait que les journalistes, ils sont le go-between entre les deux. Ils sont là pour permettre à la population de vérifier si la presse a bien fait si la magistrature a bien fait son travail ou pas. Je vais même plus loin que ça. S'il y a bien un élément qui a sauvé Bernard Westphal, c'est la médiatisation de son affaire. Parce que quand son avocat, Maître Mayence, dit ce week-end dans Le Soir qu'il a été payé moins de 5 centimes de l'heure, vous connaissez beaucoup, vous, de ténors du barreau de ce niveau-là, qui acceptent d'être payé moins de 5 centimes de l'heure. Mais non, pourquoi est-ce qu'il le fait ? Parce qu'il croit sans doute à une innocence, mais aussi parce qu'il sait qu'il va avoir une médiatisation qui va lui permettre aussi de nourrir finalement son image de sur la place publique. Et certains sur les réseaux posent d'ailleurs la question pour l'avocat qui a été choisi pour la nouvelle procédure. Benoît Grévy, vous avez aussi couvert, si j'ose dire, en tant qu'observateur, le procès Dutroux. Est-ce que vous voyez une évolution sur ces deux décennies? Moi, je pense que inévitablement, il y a des choses qui sont récurrentes. À un moment, j'ai vraiment cru que ça allait partir dans un journalisme de. Je ne fais évidemment aucun parallélisme entre les deux protagonistes. Hein. C'est vraiment l'aspect médiatique. Mais j'ai cru un moment qu'on allait partir dans du journalisme de thèse en fonction, pour poursuivre sur ce que Christian Carpentier disait, en fonction des sources dont on dispose et donc de la vision qu'un journaliste peut avoir. J'ai cru qu'à un moment on allait voir se reproduire ce journalisme partial. Ça a été en partie le cas, mais pas évidemment du tout dans les mêmes proportions. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments nouveaux. Bon, on vient de pointer évidemment la couverture par live tweet, mais je pense aussi qu'on voit la différence avec les nouvelles technologies dans la mesure où aujourd'hui des pièces peuvent fuiter de manière massive. Avant, faire fuiter des documents, demander des ruses de Sioux, comme aurait dit l'autre. Mais ici, sur une clé USB, évidemment, on voit des conversations téléphoniques et des volumes importants. Christian Carpentier, quelle leçon vous tirez de cette affaire pour l'ensemble de la presse, hein, pas uniquement pour vous? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous voulez être plus attentif à l'avenir? Non, je trouve que c'est un modèle du genre, en tout cas la couverture dans Sud Presse, si j'accepte la une dont on ne va plus reparler, merci beaucoup. Je pense que c'est un modèle du genre, qu'il y a eu 3 ans d'éléments à charge, à décharge, que le public a eu le droit à une information extrêmement complète, et que cela sans doute fait pression, quelque part, sur la justice pour que ce jugement soit rendu de manière honnête. Et la presse accusée de tous les maux a tellement peu d'influence que l'accusé, il a été acquitté. Donc, si on veut faire un procès à la presse, non, désolé, mais là, Bernard Westphal, il en a profité, et c'est tant mieux. Donc, mais on ne saura jamais, évidemment, s'il n'a pas été acquitté, si j'ose dire, par effet de rebond face à une campagne contre lui. C'est aussi un scénario possible, Jacques Englebert. On voit bien quand même qu'il s'est produit, ce qui se produit très généralement dans les procès, c'est la catharsis de l'audience. Oui. Vous avez des jurés qui arrivent avec sans doute des idées préconçues, et puis le mécanisme judiciaire fait en sorte que on oublie ses préjugés et on reçoit des informations dans un cadre procédural très strict qui fait qu'on arrive à une solution quand même qui m'apparaît tout à fait raisonnable. Il y a un doute et comme il y a un doute, on l'acquitte. Eh bien, merci beaucoup et le débat continue sur les réseaux sociaux et vous ne manquerez pas d'y prendre part. À signaler aussi que le débat continue dans l'émission À votre avis avec Sacha Daout. Il vous pose la question, faut-il moins de procès en cour d'assises? Eh bien, vous pouvez répondre via l'application mobile MatchTalk et rendez-vous à 11h30 sur la Une Télé. Merci d'avoir suivi les décodeurs. Pas de rediffusion à 21h ce soir. Vous avez rendez-vous avec l'émission spéciale 448 sur la première. Mais vous savez que l'émission est disponible en permanence sur RTBF OVIEW. C'est Jonathan Remy qui réalise les décodeurs. Merci à lui et à tous ceux qui nous ont aidés à la réaliser. Les débats continuent évidemment sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dimanche prochain pour décoder l'actu du web, des médias, de la pub et de la com. La première. Découvrez aussi les vérandas en aluminium de Sapa. Demandez maintenant un devis auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Plus d'infos sur sapachassis.be. Les prix cadeaux, le service et la qualité Crefel, c'est Crefel. Profitez-en maintenant. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. La première présente. Et si vous aviez le choix entre gagner 1 million et perdre une jambe? J'empocherais le million. Moi pas, je garderais mes jambes. Les Dactylos et le Tigre, une comédie décalée de Murray Fisgal dans une mise en scène de Bruno Hemsens avec Julie Duroisin. Et Nicolas Luçon, au Boson du 11 au 29 octobre. Réservation @leboson.be. En partenariat avec Le Soir. Le Boson, infiniment intime. La première présente les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be avec DS Automobile et la Loterie Nationale. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Il est 11h. Les infos avec Pierre-Yves Meugens. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. L'Arabie Saoudite à nouveau sur la sellette après un bain de sang au Yémen. 140 morts à Sanaa, la capitale. Selon l'ONU, des frappes aériennes ont touché une importante cérémonie funéraire hier dans cette ville. Une ville toujours contrôlée par les rebelles chiites. Elles ont aussi fait 525 blessés. La coalition arabe conduite par l'Arabie Saoudite a nié dans un premier temps l'implication avant de publier un communiqué dans la nuit où elle annonce une enquête immédiate. Washington prend doucement ses distances avec l'Arabie Saoudite. Les États-Unis ont même dénoncé l'attaque, comme l'Iran, la Croix-Rouge et le coordinateur humanitaire de l'ONU. États-Unis, alliés pourtant de l'Arabie Saoudite, ils comptent même réexaminer leur soutien à cette coalition qui a déjà été réduite ces derniers mois. L'objectif de la coalition arabe est de rétablir l'autorité du gouvernement yéménite sur le pays, un gouvernement reconnu par la communauté internationale. 4 personnes ont été blessées par balles, dont une grièvement ce matin près d'une station de tramway à Jérusalem-Est. Selon la police, un terroriste qui circulait en voiture près du QG de la police a ouvert le feu en direction des passants. Il a ensuite pris la fuite vers un quartier palestinien où il a été arrêté par des policiers à moto qui ont réussi à le neutraliser. Chez nous, les ministres fédéraux planchent toujours sur le budget. Les travaux budgétaires reprennent depuis ce matin. Il y a une heure au Lambermont exactement, c'est la résidence de fonction du Premier ministre. Le gouvernement fédéral doit procéder au contrôle budgétaire 2016 et boucler le budget 2017, tout en réalisant une série de réformes structurelles, dont celle de l'impôt des sociétés. Hier, les discussions ont progressé difficilement. Les négociations devraient en principe aboutir dimanche soir, dans la nuit, ou dans la nuit de dimanche à lundi. Grande soirée Cap 48 aujourd'hui au profit des personnes handicapées. Ce soir, c'est l'apothéose de la campagne de vente des post-it. Une soirée de gala en direct dans le studio 40 de Média Rive à Liège. Une dernière soirée pour exploser les compteurs des dons. Pour faire un don, vous pouvez passer via notre site internet rtbf.be/cap48 ou bien acheter des post-it cap48. Une troisième piste s'offre à vous, c'est faire un don par téléphone. Voilà qui referme ce flash. Merci d'être avec nous. Toute l'info est sur rtbf.be. Bonjour à vous tous, que nous rejoignons à présent sur les ondes pour partager l'écoute de la messe dominicale. Jean-Émile Grèce est heureux de vous retrouver pour commenter cette célébration où il sera beaucoup question de conversion, étape nécessaire pour obtenir le salut, guérison, purification. Nous avons quitté le Val-Dieu et nos micros sont aujourd'hui plantés pour quelques semaines à La Pérelle, à Wépion, aux portes de Namur. Ce centre spirituel, fondé en 1971,